Voilà, quelle interprétation, Pascal Mosconi avec un morceau qui s'appelle Boom Boom. En tout cas, quelle pêche, en tout cas, là, je trouve super bien ta voix déjà, c'est très... les musiciens, il y a tout dedans, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Alors c'est la chanson que je te parlais tout à l'heure, donc de Bruce Springsteen, la deuxième chanson qui... Oui, oui, tout à voilà. fait. Alors cette chanson, c'est une chanson de Johnny Hooker, oui. à la base, qui avait été déjà repris et adapté dans le même style par les The Animals. Oui, aussi, voilà, oui. Que Bruce Springsteen, après, a repris sur les The Animals, et puis... Puis moi, tout petit, je me suis dit, tiens... C'est un standard. Mais justement, s'attaquer comme ça à des morceaux qui sont connus, je trouve que c'est pas évident. Ouais. Mais là, je pense que tu t'en es sorti super bien. C'est carrément... Bien, quoi. Sur des arrangements de Pascal Brett. Ah oui, bah oui. Je me disais aussi. Je me disais pas tous les arrangements, parce que Bruce Springsteen en avait fait un peu, mais c'est parti guitare. Oh là là. Très bien. Donc voilà, on arrive à la fin de cette émission et comme je vous avais promis un live en direct dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour cette émission numéro 574. J'espère que ce numéro-là vous portera chance et on va écouter Simply the Best en direct live. Alors là, on va essayer d'avoir le son le mieux possible. Donc déjà, moi, j'ai arrêté mon micro et puis je vais donc brancher les deux bons micros et je vais essayer de faire le son le mieux possible. Et ça sera la dernière chanson et on parlera un petit peu après. Allez, je vous laisse l'antenne. I call you and I need you, my heart's on fire. You come to me, wide and wide. You come to me, giving me everything I need. Give me a love time, promises and word of dreams. Speak a language of love like you know what it means. It can be wrong. Take my heart and make it stronger. Simply the best, better than all the rest, better than anyone I've ever met. On your heart, I hang on every word you say. Tear us apart, and I'd rather be dead. In your heart, a single star, in every night and every day. I get lost, I walk away. Just as long as I'm here in your arms, I could be in no better place. You're simply the best. Bravo, en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, une interprétation vraiment en direct live, hein, sans filet, c'est one shot comme on dit, et puis tout y était, une guitare, une voix et Angéline Anonier et Pascal Brett. Et Pascal Brett. Voilà, Pascal Brett. Pascal Brett. Le fameux Pascal Brett. Franchement, moi j'ai écouté, puis au début j'ai écouté beaucoup, et puis après j'ai commencé à vous regarder, et puis là, des frissons. Et voilà, c'est comme ça, hein. L'émotion était là, et puis j'espère que les passer à travers ça le... Ça arrive parfois dans les concerts, les frissons. C'est un peu pour ça qu'on y va aussi, hein. Oui. Voilà, donc cette émission arrive à sa fin. Vous avez quelque chose à... Vous êtes à l'antenne, vous avez peut-être un message à faire passer juste avant de rendre l'antenne. Oui, absolument. Merci Arc-en-Ciel, merci à toute l'équipe de bénévoles, merci à toi, Albino, merci aux auditeurs, merci à tous. Joyeuse fête de fin d'année. Voilà. Dans la paix, dans la joie. Bonne année, une bonne santé. Et dans les poils. Et dans l'armée. Ça après. Ceux qui se dressent seulement. Très bien, bah, en tout cas, merci à vous, hein. C'est vraiment un plaisir d'avoir fait cette émission. Et c'est vrai qu'on dit trois heures d'émission, on dit mais qu'est-ce qu'on va pouvoir dire pendant trois heures? Et finalement, ça file à une de ses vitesses. Voilà. On n'a pas eu le temps de faire tout, vite, hein. Mais ce qu'il va falloir, c'est reprogrammer une émission pour que vous reveniez avec beaucoup de plaisir. La prochaine fois, on viendra à midi, comme ça. Voilà. Prenez un RTT pour la prochaine émission. En tout cas, merci beaucoup, vraiment, je suis d'accord, il faut vraiment remercier toute l'équipe. Merci à toi, Albino, qui nous fait toujours confiance, et merci à toutes les personnes comme toi, toute ton équipe, toutes ces personnes qui font vivre les artistes et qui partagent la musique et qui partagent l'art et qui partagent le bonheur, hein, le bonheur, voilà, de tout ça, de ce qui nous réunit. Il y a des choses que j'aime, il y a des choses que j'aime bien, j'adore la musique, j'adore rencontrer des gens, et voilà, ça j'ai envie de le partager avec tous les auditeurs. C'est ce que je fais déjà depuis bientôt 14 ans, et c'est toujours un plaisir, et je pense que c'est pour ça que cette émission plaît autant, et puis voilà, j'espère qu'on va pouvoir continuer à la faire encore très très très longtemps, parce qu'à chaque fois c'est des moments de bonheur pour moi, voilà. Ouais, et c'était la fête des bénévoles il y a 8 jours, donc une pensée pour toute l'équipe. Bonne fête d'Arc-en-Ciel et Radio Arc-en-Ciel. Une pensée pour tous les bénévoles, que ce soit au Resto du Cœur et partout. Voilà, et souvent, justement, pour organiser des concerts, on avait dit tout à l'heure, ça coûte très cher et tout ça, donc il y a aussi des gens qui sont passionnés simplement, qui viennent donner un coup de main. Leur temps, viennent donner leur temps et leur talent, parce que les bénévoles aussi, ils connaissent des choses, et ils font à manger, ils sont dans les entrées, ils assurent aussi la sécurité, ils sont là un peu partout, et il y a beaucoup d'événements qui se passeraient pas s'il n'y avait pas ces bénévoles-là. Complètement, et dans une association, il y a une part qui s'appelle la part de la valeur du travail des bénévoles, et ça peut représenter 80% du budget dans certaines associations. Ah oui, tout à fait. Ça a une valeur symbolique pour les subventions, en fait. Très bien. Donc c'est bien de le dire, et voilà. C'est important de le souligner. Très bien. Donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure, à partir de 19h. J'essaierai de pas être en retard cette fois-ci. Et on recevra donc le groupe Omiris. Et puis je peux rappeler aussi rapidement les autres artistes que nous allons recevoir dans les semaines qui viennent. Donc au mois de janvier, nous recevrons Pauline à la plage le 12. Le 19, le groupe Prisma. Le 26, de Uncle Biker. Et nous recevrons aussi le 2 février les Tranches Chacal Express, et le 16 février Willy. Donc si vous avez aussi un projet et que vous avez envie de passer dans l'émission Mavrika, bah, c'est juste on peut rentrer en contact le plus facilement, c'est sur Facebook, hein, Mavrika Albino, c'est le Facebook officiel de l'émission Mavrika, et vous pouvez aussi nous laisser des petits messages, hein. D'ailleurs vous le faites assez régulièrement, je vois il y a beaucoup de partages qui sont faits sur pour faire la promotion des artistes, justement, sur mavrika@live.fr, c'est l'adresse mail de l'émission, et on peut prévoir une petite émission ensemble à partir du moment où vous avez un projet à défendre, et on se cale une date, et un vendredi soir vous venez dans l'émission, et puis on passe trois heures de bonheur ensemble. Voilà. Merci à vous en tout cas d'être venu pour cette émission numéro 574. De toute façon, on garde le contact. Dès que vous avez envie de venir, vous revenez ici dans les studios. Et puis à chaque fois qu'il y a de l'actualité, nous on veut être au courant de ce qui se passe aussi, parce que maintenant qu'on vous connaît, qu'on a envie de vous suivre, donc régulièrement, bah, vous viendrez ici faire un petit tour, et puis comme ça on discutera de tout votre univers et justement de l'avancement de vos carrières. Voilà, ça c'est important. Très bien, donc merci et à très bientôt alors. À très bientôt. Gros bisous les gens. Voilà. Et en plus le pire c'est que j'ai rien calé derrière. Alors, je suis en train de parler, puis on dit bon, on va se dire au revoir, et puis on va envoyer un morceau. Et j'ai rien calé. Ah bah sinon il y a Pascal Brett avec sa guitare. Oui, après il y a Casserie aussi. Tu veux qu'il fasse un morceau? Ouais, allez, on y va, soyons fous. Il y a aussi un pino qui chante. Tout est possible. Allez, joue. Non, je crois qu'il n'a pas envie de jouer. Bon, c'est pas grave. On va se quitter avec un morceau de Pascal Cédic. De Gilles Cédic, décidément avec les Pascal. Bon, voilà, on arrive à la fin de l'émission. Il est peut-être temps de rendre l'antenne. Gilles Cédic avec un morceau qui s'appelle Reborn, qui est interprété par Christine et qui viendra peut-être un jour dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, parce qu'elle a aussi un projet avec un autre groupe qui s'appelle les K-Locker, il me semble. Donc voilà, on se quitte avec cette chanson Reborn et on se donne rendez-vous à la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, un bon week-end, une bonne semaine et rendez-vous vendredi prochain à 19h. Look me up. c'est du soleil toute la journée. La vie belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Arc-en-Ciel, c'est du soleil toute la journée. Il paraît que le rock'n'roll, ça donne pas en français. Pourquoi je m'emmerde avec ces paroles? J'aurais dû naître anglais. À Liverpool, je peux pas être une rockstar. Le rock en France, on sait pas faire. Ça va pas être vitas. Moi j'en ai rien à foutre de

chance, ma chance. Bonsoir chers auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, l'émission Mavrika c'est tous les vendredis à partir de 19h, on a un petit peu de retard, hein. C'est vrai que je suis arrivé un petit peu en retard au studio à cause des embouteillages, hein, tout simplement, et ce soir on aime faire des émissions comme ça, c'est des émissions dans lesquelles il y a des invités, donc on en parlera tout à l'heure, vous allez voir, il y a du monde dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, et je suis certain qu'on va passer une très bonne soirée, j'espère que pour vous ça va, hein, que vous êtes détendus, que vous allez pouvoir nous consacrer un petit peu de temps à nous écouter. Alors l'émission elle dure 3h, mais vous allez voir, 3h ça passe très vite, surtout qu'il y a déjà une demi-heure qui est passée. On a pu écouter quand même des bons artistes. On a commencé avec la Jarille avec un titre qui s'appelle Liverpool. Les Enfants de Panurge avec Saint-Malo, La Mécanique des Sourds avec La Littérature, Last Avenue avec Spying from the Future, et à l'instant une reprise de Last Christmas par notre ami Joseph César. Voilà. Donc on est ensemble jusqu'à 22h. On a plein de musique à écouter. On a déjà un peu préparé l'émission. Alors ce soir, il y a des invités qui sont ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. C'est l'émission numéro 574. Le temps passe vite, hein. On avance. Et puis bientôt c'est Noël. Donc la semaine prochaine, je peux vous annoncer déjà qu'il y aura des invités aussi. D'ailleurs, je vais prendre ma petite feuille que j'avais préparée tout à l'heure et je vais vous raconter un petit peu tout le programme. Alors, nous sommes au mois de décembre. La semaine prochaine, ce sera pour l'émission numéro 575, nous allons recevoir Omiris, donc une découverte dans les studios Radio Arc-en-Ciel. Donc même s'il y a un des membres de ce groupe qui est déjà venu avec un autre projet, on vous en dira un peu plus la semaine prochaine. Pour le mois de janvier, pour le 5 janvier, il y a toujours personne. Il y avait un groupe qui était prévu, mais il s'est désisté. J'ai proposé à un autre qui m'a pas donné encore de réponse. Donc pour l'instant, je tiens ça. Voilà. Ça sera la surprise, on verra bien. Le 12 janvier, nous aurons ici, pour la première fois dans le studio de Radio Arc-en-Ciel, le groupe Pauline à la plage. Le 19 janvier, nous recevrons le groupe Prisma. Et pour la dernière semaine, le 26 janvier, ce seront les Uncle Bikers qui seront dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Pour le mois de février, pour le mois de janvier. Ah bah il est là. Ah bah non, je viens de le dire. Donc on passe au mois de février, c'est bien ça. Donc on va commencer le mois de février avec le 2 février. Il y aura le groupe Trans Chacal Express, un groupe qu'on a déjà écouté dans l'émission Mavrika, mais qu'on n'a encore jamais reçu. Ça sera l'occasion justement. Et pour l'instant, il y a aussi une autre date qui est retenue, c'est le 16 février avec Will and Guys, un groupe qu'on a pu découvrir en concert il n'y a pas très longtemps. Et ça sera l'occasion de les voir ici dans les studios Radio Arc-en-Ciel. Et vous allez voir que dans l'histoire de ce groupe-là, l'émission Mavrika y est un peu pour quelque chose, puisque Willy était venu dans les studios chercher des musiciens, et c'est un petit peu grâce à l'émission Mavrika que le groupe s'est constitué. Voilà, on est ensemble jusqu'à 22h, c'est l'émission Mavrika, et ce soir j'ai pas un invité, j'en ai plusieurs, ils sont là. Alors aujourd'hui c'est Angéline Anonier, voilà, une amie, une personne qu'on reçoit assez régulièrement, qui à chaque fois nous propose des super bons morceaux, et ce soir elle est accompagnée de Pascal Mosconi. Voilà, vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, restez avec nous, on est ensemble jusqu'à 22h. L'impression d'un conte de fées, je t'ai toujours vu dans Voilà, donc on vient d'écouter un morceau très entraînant. Hein. C'est notre ami Yavanna qui vient nous voir régulièrement dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Donc ça fait déjà un petit moment, peut-être qu'on pourrait programmer à nouveau une émission avec elle. Voilà, et le morceau s'appelle Connexion. Et puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes avec des invités ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Donc bah, on va commencer à discuter avec eux, parce que le but c'est un petit peu de faire connaître les artistes. Voilà, on commence à avoir les bruits du studio, hein, ce qui est tout à fait normal. Et on va retrouver dès maintenant nos invités. Alors je vais m'adresser déjà à une personne que je connais, que vous connaissez aussi puisqu'elle est déjà venue plusieurs fois dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. C'est Angéline. Tu vas bien? Oui, bonsoir. Comment vas-tu, Albino? Très bien. Bah, je suis content de te voir revenir dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, parce que moi j'aime bien recevoir les gens, les découvrir, et puis après j'aime bien aussi qu'ils reviennent assez régulièrement pour nous parler justement de l'évolution de leur carrière, de leur travail en cours, etc. Donc il y a plein de choses qu'on va encore, plein de questions que je vais te poser encore cette fois-ci. Pour, on va récapituler pour ceux qui n'auraient pas suivi les autres émissions. Bon, on va faire ouh pour eux. Et puis après on va aussi déjà parler un petit peu du passé et aussi un petit peu parler du futur. En passant par le présent. Voilà, je pense j'ai été assez clair. Ça va? Oui, c'était à peu près clair. Mais je dis bonsoir à tous les auditeurs et je voudrais préciser que, comme ils ne voient pas, Albino est déguisé en Père Noël. Oui. Le haut, hein. En bas, en bas, je suis en maillot de bain. Voilà. En bas, je vois pas parce qu'il est derrière la vitre. Mais là, il a tout, le bonnet, le manteau, la grande barbe. On peut faire croire ce qu'on veut à la radio. C'est ça qui est formidable, là, quand même. Voilà. Donc, aujourd'hui, donc, nous recevons Angéline Anonier. Voilà. Et nous recevons aussi un autre artiste. Tu m'as dit, voilà, j'ai un autre artiste. Et puis, on est rentré un petit peu en contact. Et je voudrais que tu nous le présentes, justement. Ah, je suis ravie de vous présenter mon poteau, Pascal Mosco, Mosconi de son vrai nom. Voilà. Chanteur, guitariste, charmeur, japonais aussi à l'occasion. C'est un moment. Voilà. Et qui a plein de jolis titres à vous faire découvrir. J'en ai découvert pas mal et c'est vrai que franchement, j'en ai diffusé la semaine dernière, c'était Cuir et Jeans. Ah. Voilà. J'avais choisi un peu, je me dis, celui-là me plaît bien. Donc, mais il y en a d'autres, hein, à mon avis, il y en a plein qui. Oui, je pense aussi. D'ailleurs, tu as sorti déjà plusieurs albums. On va découvrir un petit peu quelques titres d'autres albums et surtout, il y en a un nouveau qui est sorti dernièrement, quoi. Oui, dernièrement, Je veux te dire, il s'appelle. Très bien. On est dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, on est ensemble pour quelques heures. Et on va commencer déjà à revenir un petit peu, peut-être Angéline, pour parler un petit peu. Que s'est-il passé depuis ton dernier passage dans l'émission? ça fait quand même quelques mois. Depuis la dernière fois, j'ai continué à chanter, certes, à faire quelques galas, bien sûr. Et puis, j'ai le projet de rendre un hommage à Tina Turner, donc, qui est décédée au mois de mai dernier. Oui. Et du coup, ça se passera au New Morning le 10 février de l'année prochaine, donc le 10 février 2024, un hommage. Ça va être vraiment un concert exceptionnel. Voilà, ça c'est pour Tina. Et autrement, écoute, j'ai un nouveau titre à vous faire découvrir. Oui, que j'ai déjà découvert moi sur internet et je l'ai maintenant sur mon ordinateur, donc on pourra l'écouter tout à l'heure. La semaine dernière j'ai aussi passé un morceau justement de Tina. Oui. Qui s'appelle Simply the Best. Oui. Donc c'est un morceau qui est repris. Alors au début, je me suis dit c'est la chanson de Tina Turner, etc., que je connais très bien. Et puis que je l'ai écouté, effectivement, surprise parce que c'est déjà acoustique, hein, c'est très cool et c'est une réinterprétation finalement. Tu n'as pas cherché à imiter Tina Turner dans ce morceau-là. Tu l'as réinterprété à ta manière. Quoi. Voilà, exactement. Ça reste tout à fait dans le cadre de l'hommage, hein, parce que comme je l'ai déjà dit, c'est une artiste que j'admire énormément, pour qui j'ai le plus grand respect. Et voilà. Et je voulais que vraiment ce soit un hommage, c'est-à-dire quelque chose qui vient du cœur et qui ressemble juste à ce qu'on a envie d'exprimer. Donc pour être dans l'intégrité de ce message, j'ai choisi de le faire comme ça, dépouillé le plus dépouillé possible. Et pour ce faire, j'ai la chance d'être accompagnée par un artiste, un grand guitariste de talent du nom de Pascal Brett. Donc je me suis permise de l'amener avec moi ce soir, parce que peut-être qu'on vous fera un petit bout de la chanson ici en live. Ah bah ça serait super, tu sais que on a la possibilité de faire ça dans les studios. Et puis depuis ton dernier passage, il y a un nouveau studio hein, de Radio Arc-en-Ciel, tu pourras faire le tour tout à l'heure et puis découvrir donc la nouvelle console. Donc on l'a expérimenté avec un seul invité pour l'instant. C'était un seul invité quoi, c'était un seul groupe, mais ils étaient deux. C'était Chris et Léo qui étaient venus ici, et apparemment les lives étaient très bien, donc ça sera l'occasion justement d'interpréter un morceau en live. Et donc tu es venu avec le guitariste qui s'appelle, tu m'as dit, Pascal Brett. Pascal Brett, bonsoir Pascal. Bonsoir. Voilà, en tout cas ça fait plaisir, parce que là je découvre des nouveaux visages, et je me suis dit à tous les coups on va passer un bon moment ce soir avec nos auditeurs, et puis il y aura donc des lives, il y aura des morceaux à découvrir, et puis la suite de vos aventures à raconter. Voilà. Oui. On écoute tout de suite le morceau Simply the Best. Lequel comme tu veux. Est-ce que tu veux qu'on le diffuse d'abord le morceau enregistré? Ah bah écoute, on peut le. Et on a le temps, et après on passera la version en live, d'accord? En version live. Chauffer un petit peu. Hein. Faisons ça. On fait comme ça. Donc on va réécouter le morceau que j'ai déjà diffusé la semaine dernière. Hein. Très bien. Et puis on a le temps, et après il y aura une interprétation en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Et donc là, pour ceux qui n'auront pas pu écouter l'émission, on va remercier notre ami Florent qui fait les podcasts de l'émission. Et donc, si vous ne pouvez pas écouter en direct, vous pouvez réécouter l'émission. Vous pouvez aussi, si l'émission vous a plu, la réécouter à nouveau dans quelques temps. Et puis, vous pouvez la télécharger aussi pour la garder. Hein, parce qu'il y a des bons morceaux live comme ça. C'est des exclus de l'émission Mafrica. On en a des tonnes et des tonnes. Et quand je n'ai pas d'invité, j'aime bien diffuser un petit peu de morceaux comme ça qui ont été enregistrés dans le studio. On écoute tout de suite Simply the Best. I call you when I need you. My heart is on fire. You come to me, come to me, wild and wild. When you come to me, everything I need. Give me a lifetime of promises and a world of dreams. Speak a language of love like you know what it means. You're simply the best, better than all the rest, better than anyone I've ever met. I'm stuck on. Every night and every day, in your eyes I get lost, I get washed away. Donc le premier morceau de Angéline, qui est notre invitée ce soir avec Pascal Mosconi. Et il y a aussi Pascal Frette, voilà, qui est le guitariste. Oui. Voilà, et le guitariste qu'on a entendu à l'instant. À l'instant, c'est ça. Alors là, franchement, une guitare, une voix, quoi d'autre? Il y a l'émotion, elle est là. Et c'est vrai que moi, quand j'ai écouté la première fois, je dis waouh. C'est vrai que ça met en valeur ta voix. Tu as une voix magnifique, tout le monde le sait. Tu as accompagné de grands artistes, on pourra leur rappeler tout à l'heure. Mmh. Et là, avec la guitare, franchement, superbement interprétée. Voilà, c'est que du bonheur. Hein. Mmh, Simply the best, reprise de Tina Turner à la manière de Angéline. Donc, on disait que tu avais été, tu avais fait les chœurs, tu avais chanté avec des grandes voix. On va rappeler à nouveau que tu as chanté avec Johnny Hallyday quand même. Hein. Oui, avec Johnny, avec Sardou. Sardou, oui. Avec Al Jarreau. Avec Boney M. Avec. Ça nous fait rêver de savoir que, voilà, je t'imagine avec ces grands artistes que tout le monde connaît. Ouais. C'est formidable, quoi. Oui, c'est ça. Et donc, maintenant, donc tu fais carrière solo. Voilà, hein. Solo, hein, parce que bon, faut continuer à travailler, hein, même si. Non, mais bon, quand on a une profession de choix qui est également une profession de foi, n'est-ce pas, quand on y croit, oui, je continue à faire ça, j'aime ça, c'est important de faire, c'est une passion, j'adore l'idée de créer, de chanter, d'écrire, de faire de la scène, alors ça c'est, tout ça c'est hyper important et précieux. Ouais, ça c'est quelque chose que une fois que t'as goûté, tu peux plus t'en passer. C'est ta drogue, quoi. Oui, enfin bon, je crois que déjà quand j'étais enfant, en fait, je disais. T'es tombé dans la marmite. Ouais, c'est ça. Et je disais, moi, quand je serai grande, je ferai Johnny Hallyday. D'accord. C'était ma façon de dire, quand je serai grande, je serai chanteuse. Chanteuse comme Johnny, parce que c'est quand même l'idole, c'est quand même toute une génération et pas qu'une. Parce que il y a des gens qui me disent quand on va au concert de Johnny, il n'y a pas une génération. Il y a des gens qui ont un certain âge, il y en a d'autres qui sont un peu plus jeunes, il y en a d'autres encore plus jeunes. Il y a au moins 3, voire 4 générations. Ouais, 4, c'est ça. Ouais. J'ai chanté un petit peu là dans les clubs de fans. Hein. J'ai la chance d'être conviée à le faire. Et je crois que je parle pas des petits qui viennent, qui n'ont peut-être pas encore vraiment conscience et la capacité de faire un choix volontaire, mais dans les plus jeunes que j'ai pu côtoyer, qui ont pris leur carte, le môme que j'ai, il a 7 ans. Qui a pris sa carte au fan club d'un fan club de Johnny Hallyday. Ah bah très bien, voilà. Et les personnes les plus âgées, il y a une dame qui racontait qu'elle avait rencontré Johnny quand il chantait tout seul dans la rue avec sa guitare, donc il devait avoir 16 ans. Et elle l'a rencontré là, découvert, elle a trouvé qu'il était extraordinaire, et après, bon, évidemment, il a eu la carrière qu'il a eue, et cette dame, je crois qu'elle a 94 ans, ou un truc comme ça. D'accord. Voilà les deux extrêmes. Oui. Mais à chaque fois qu'il y a un concert comme ça, il y a des gens qui finalement se retrouvent, il y a des jeunes, des moins jeunes, et tout le monde est ensemble, et il y a tous autour de Johnny Hallyday, parce que c'est comme un artiste qui nous a quitté il y a 6 ans déjà, hein. Oui, il y a 6 ans, ouais. 6 ans, le temps passe très vite, et on a l'impression qu'il est encore là parce que les gens continuent à le faire vivre. Voilà. Ah oui, ça, oui. Ça c'est important, ça. Ouais. La passion que les gens ont pour cet artiste est vraiment grande. Hein. C'est super important, mais c'est quelqu'un qui a apporté énormément en fait aux individus, à son public, mais à travers ses chansons, certes, on lui a écrit de très belles chansons, il y a eu de très très beaux textes. Ah oui, tout à fait. Ouais, c'est ça. Il y a eu les plus grands qui ont écrit pour lui, quand même. Oui. Il faut quand même le dire. C'est ça. Et puis surtout lui, en fait, il était intègre. Quand il prenait le micro et qu'il chantait, il faisait pas les choses à moitié, quoi. Il y allait, il mettait toute sa personne dedans, toutes ses tripes et tout, voilà. Ah oui, ça se ressent. Hein. Tout à fait. Donc, c'est bien de parler de Johnny Hallyday de temps en temps. Dans l'émission Mavrika, ça revient quand même assez régulièrement. Hein. C'est grâce à Jamie qu'on t'avait découvert. Hein. C'est elle qui t'avait présenté. Et on lui fait un petit coucou s'il nous écoute. Et notre ami aussi David McLean. Oui, coucou Jamie et David. On vous fait des gros bisous. Voilà, ça nous fait toujours plaisir. Et puis, si on a le temps, on va essayer de caler des morceaux. Parce qu'on a plein de choses. On a envie de faire plein de choses dans l'émission. Mais on sait à chaque fois que ça passe tellement vite que à la fin, on se retrouve. Tiens, on avait promis d'écouter tel morceau. On l'a pas écouté. Bon, on l'écoutera la semaine d'après. Hein, c'est pas bien grave. Hein. C'est une suite. Hein, ça fait déjà 574 émissions que je fais avec des artistes. Donc, j'ai pas l'intention d'arrêter tout de suite. On va essayer encore de continuer pendant pas mal de temps. Et on va essayer de se marquer tout ça et essayer de le faire au fur et à mesure et d'écouter plein d'artistes différents. On va parler aussi, donc ce morceau-là, il a été enregistré quand ? Alors, on a fait ça quand ? C'était octobre, oui, c'est ça, à la rentrée. À la rentrée, au mois d'octobre, ça s'est fait dans un studio Oui, chez Pascal, puisque Pascal a un petit studio chez lui, voilà. Et puis bon, comme on était deux, c'était pas très compliqué. Une guitare, un micro. Je pense qu'il y a quand même du travail. Il y a quand même du travail parce qu'on entend même plusieurs voix aussi. Oui. Voilà, on entend ta voix, mais sur plusieurs tonalités différentes. C'est ça. L'autre voix, effectivement, j'ai fait aussi la deuxième voix. Voilà. Il y en a que deux parce que. Il y en a que deux, oui. Waouh, oui, mais c'est vrai que ça fait vraiment. On a l'impression qu'il y a plusieurs personnes en même temps, pas que deux personnes, quoi. On dirait que vraiment tu avec la voix ça nous prend vraiment et puis voilà ça non, un super enregistrement en tout cas hein. Donc dans le petit studio de Pascal. C'est Pascal tout, il a du talent à la guitare mais aussi aux manettes voilà. Très bien et même ta voix elle est vraiment mise en valeur, on entend tout vraiment c'est super propre. Bravo en tout cas pour à Pascal donc pour l'enregistrement et l'interprétation avec toi quoi, donc voilà. de ce morceau là tu as enregistré aussi d'autres morceaux. Oui, alors les autres morceaux, est-ce que ça s'est passé comment? C'est pas chez Pascal qui les a enregistrés? Non, alors, de l'orchestration et tout ça, voilà, c'est ça. La chanson qu'on découvrira tout à l'heure, qui s'appelle Changer de décor, je l'ai enregistré il y a quand même j'allais dire il y a plusieurs mois, ça fait presque plusieurs années. Et en fait, je travaillais avec un guitariste du nom de David Play, un bassiste Daniel Largent et un clavier qui s'appelle Patrick Morgenthaler. Et nous avions enregistré dans un studio à Montreuil, voilà. Et c'était super. En fait, on a fait quatre titres avec cette. Enfin, j'ai fait quatre titres avec cette équipe. Donc. Très bien. Donc voilà. Très bien. Donc ce morceau-là, on va le découvrir tout à l'heure. On va se le garder un petit peu. On va mettre les gens un petit peu en suspense et pour qu'ils aient envie d'écouter ce morceau-là. En attendant, j'ai envie de diffuser un autre morceau. C'est un morceau que je diffuse régulièrement dans l'émission Mavrika, puisque c'est un morceau qui est dans ton album avec Tina, mais qui est de toi cette fois-ci. C'est un morceau. Tu m'avais expliqué un petit peu comment le morceau était sorti. C'est un morceau qui s'appelle Shanghai, donc qui nous fait voyager. Et je t'avais demandé d'où est venue l'idée d'interpréter une chanson sur Shanghai. Et tu m'avais dit que c'était une question de phonétique, tout simplement. Alors voilà, il y avait une question de phonétique, tout à fait. Quand on a commencé ce titre, on n'avait pas de texte. Donc on faisait comme ce qu'on appelle du yaourt dans le jargon du métier. Voilà, où on fait un peu n'importe quoi histoire de mettre des sonorités. Ouais. Et puis après, quand on écrit les textes et surtout quand on décide de, bon, la version est anglaise, hein, celle que tu as, mais quand de base la version était écrite en français. D'accord. Donc on essaie de garder des phonétiques, des choses qui sonnent. Il y a des enregistrements de la version française. J'ai une version française. Ah, d'accord. Ça l'achetait pas. Voilà, la version de base est française en fait. Très bien. Et pour l'intégrer à l'album de Tina Turner, effectivement, j'ai fait une traduction. D'accord. Et, enfin, je me suis fait aider. Donc ça parle la version française, parce que là c'est la version anglaise. Moi l'anglais je le comprends un petit peu, mais pas tout. Ça parle de quoi cette chanson? Bah c'est pareil, c'est à peu près la même histoire que celle qui est racontée en anglais que tu connais, puisque de base c'est effectivement l'histoire d'une personne qui prend, mais qui vit un peu métro boulot dodo au quotidien et bon, qui est fatiguée de la foule, du rythme, voilà, toujours le même. Et un beau jour où elle est dans le métro, en essayant d'oublier ce qui se passe autour d'elle, elle voit une affiche. Les affiches changent régulièrement. Il y a toujours, tu sais, de la promo, l'eau de Javel, les chaussures, enfin, ce que tu veux. Tout à fait, ouais. Et ce jour-là, en fait, c'est une invitation au voyage. Et il y a des affiches, et le métro est tout... comment dit-on ? Ils ont affiché des images justement de la Chine, et notamment, et ce qui se présente à ce moment-là, c'est une affiche sur Shanghai. Donc il y a tout, il y a le mur, il y a des temples, il y a des Bouddhas, et c'est comme une respiration d'un coup de changer de décor comme ça. Très bien, donc une invitation au voyage. Et voilà. Tu as déjà eu l'occasion d'y aller, non ? Non, je ne suis pas allée en Chine. non, je suis déjà allée en Asie, mais pas en Chine. D'accord. Quel pays en Asie? Je suis allée au Cambodge. Au Cambodge, ouais. Très bien. C'est un très bon pays. Ouais. Ouais. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller au Vietnam, juste à côté. Ah, oui. Quoi, juste à côté. Ouais. Et effectivement, ça fait du bien d'être dépaysé comme ça, en découvrant des personnes qui vivent d'une manière complètement différente de la nôtre. Oui. Et voilà, ça nous fait. Quand on revient en France, on se dit finalement, ouais, il y a d'autres manières de vivre. Hein. Il n'y a pas que comme en France, mais trop de boulot. Bah, eux, là-haut aussi, travaillent. Hein, et... Mais bon, ils ont une autre manière de vivre, une autre manière. Ils croient d'autres choses et tout ça. Et donc, ça fait du bien de rencontrer des gens différents. Voilà. C'est ça, qui ont d'autres priorités, qui ont une autre vision de la vie, qui... voilà, l'ordre de l'importance des choses n'est pas la même. Non, ouais, c'est très chouette. Je suis allée à Bali aussi, donc c'est bien. Puis c'est, comment dire, la variété de la planète est multiple, donc c'est bien aussi de voir. On ne peut que s'enrichir de nos différences. Voilà, ça c'est quelque chose de très bien important. Bien dit. Ouais, moi c'est quelque chose que je dis souvent. C'est vrai qu'on dit les gens sont différents, et parce qu'ils sont différents, on a peur des gens qui sont différents de nous. Mais si on s'y intéresse un peu, on s'aperçoit qu'on est les mêmes. Donc, quels que soient les pays, on a toujours des priorités. Ben, ce qu'on veut, c'est vivre tranquillement, en paix, élever nos enfants, avoir une famille, voilà, et se divertir. Je crois que ça, tous les pays du monde veulent la même chose, tous les gens veulent la même chose. Après, on a des manières différentes de les aborder, mais justement, en discutant, on s'aperçoit qu'on est les mêmes, on a la même chose, mais on a aussi des différences qui font que bah, on s'intéresse aussi à leur musique, qui est différente de la nôtre, mais qui est pas mal, et ainsi de suite. Et on ne fait que s'enrichir, justement, de la culture des autres. Très bien, bah, on va écouter tout de suite Shanghai, on va faire un petit tour en Chine, et pour écouter ce morceau, version anglaise. Merci. The crowd hurrying step by step, many bags and water carriers and tuk-tuk. A train of thoughts travels through my imagination. I hop off at the station. The railway takes me far beyond the Yongsekyong. Love to my imagination. I hope both at the station. Deuxième morceau d'Angéline, qui est notre invitée ce soir, Angéline Annonier, qui vient nous interpréter un morceau qui s'appelle Shanghai. Donc c'est l'enregistrement, on va quand même le dire, tu l'as pas fait en direct. Hein. Non, je l'ai pas fait en direct, mais... un jour je t'apporterai peut-être la version française, qui elle d'accord. est une version directe en fait. Je faisais un concert, et il y avait des enfants très très charmants et tout, et à un moment donné, ils m'ont dit, tu peux pas faire une chanson en français? Alors du coup, j'ai dit ok, on a fait Shanghai, on a fait la version française. Donc la version, si tu veux, quand je te la porterai, c'est une version live et voilà. Ok, donc tu chantes en anglais, tu chantes en français, tu chantes en d'autres langues. J'ai chanté en chinois, espagnol. Non, espagnol. Je n'ai pas encore chanté en chinois. J'ai chanté dans certains dialectes africains. J'ai chanté dans des dialectes nord-africains. Alors j'ai chanté, je me souviens, ça c'était en brésilien. J'ai d'accord. chanté en c'est Afrikaners, je crois, avec des. Ah ouais, d'accord, ouais. Comme les Bushman. Les Bushman, voilà, exactement. Qui parlent comme ça, ouais. Oui. Et ça, c'était. C'était quelque chose d'arriver à caler le rythme, la percussion et les syllabes, c'était les sonorités, mais c'était très intéressant. Voilà, c'est quelque chose de voilà qu'on je pensais pas qu'on allait en parler dans l'émission Africa, mais justement il y a certaines langues où il y a aussi des bruits comme ça et voilà, si on voyage pas, on sait pas qu'il y a des gens qui parlent d'une manière complètement différente, et c'est vrai que c'est un peu perturbant parce que tous les gens parlent avec des syllabes, etc., et là il y a quand même quelque chose de particulier dans ce coin du monde, et c'est bien de nous le rappeler, quoi. Voilà. Ouais. Bon, c'était très intéressant, parce qu'au début on se disait bon, alors il faut que j'arrive à faire ouais. en même temps que en fait, non ah oui, j'imagine, tu commences à faire do et on te dit non c'est no. Ok. La percussion en même temps que c'était mais bon, c'était très chouette, on apprend hein. Ah bah oui, de toute façon on est. Si on arrête d'apprendre, finalement, la vie n'a plus d'intérêt. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, chaque journée nous apporte quelque chose de nouveau et qu'on se couche un petit peu plus intelligent que la veille, quoi. Ouais, c'est ça, il paraît qu'on se couche moins bête chaque jour. Et dans l'émission Mavrika, j'aime bien quand les gens, ils apprennent quelque chose. Alors, moi, j'aime bien apprendre des choses aux personnes, mais j'aime bien aussi apprendre de mes invités. Et donc, c'est le cas ce soir. Voilà. Alors, là, on a parlé un petit peu de l'actualité. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans l'actualité là que t'as envie de parler? Il va y avoir Noël. Oui, ça. Non, j'ai des galas au mois de janvier. J'en ai un au backstage. J'en ai un à Cervon. Donc il y a le New Morning en février. Et ensuite, je serai au Théâtre de Sens au mois de mars. Bon, voilà, grosso modo pour les 3 mois à venir. Et puis, la sortie de ce titre, donc Changer de décor. Nouvelle promo et puis bien sûr le plaisir de me retrouver ici Radio Arc-en-Ciel Oui, ce soir, oui, c'est en direct live. Hein. Ouais, tu es là dans les studios et ça nous fait bien plaisir en tout cas parce que régulièrement on entend ta voix, mais là cette fois-ci tu es dans les studios et tu es en train de nous parler en direct live. Voilà. Ça fait combien de fois que tu viens dans nos studios dans l'émission Maverica? Ça fait déjà. Ce sera la troisième. Troisième. Ouais, le temps passe vite, hein, mais toujours autant de plaisir. Et puis voilà, je pense que tous ceux qui sont autour de la table sont d'accord avec moi. Angéline, c'est un bonheur parce qu'elle est toujours en train de sourire. Vous avez jamais remarqué? Il y a des gens, on dirait qu'ils font toujours la tête, mais Angéline, elle est toujours en train de sourire. Voilà, ça nous fait plaisir de recevoir des gens qui ont plein de bonne humeur comme ça. C'est ça, en fait, mon signe du zodiaque, c'est petite souris. D'accord. Donc je souris. Petite souris. Ok. Oui. Donc, grâce à toi, j'ai aussi un autre artiste qui est là, et c'est Pascal Mosconi. D'ailleurs, on va lui monter son micro parce qu'il faut aussi qu'il parle un petit peu. Bonsoir, Pascal. Bonsoir. Voilà. Tu es un petit peu loin. Et puis, il y a aussi, les micros sont directionnels. Il vaut mieux que tu parles en face, vraiment de la cellule, c'est-à-dire pas comme le mien, ouais, voilà. Comme ça. Voilà. Ah, okay, ouais, il est un petit peu tourné, donc on entendra beaucoup mieux. Voilà. Alors, Pascal, enchanté. Je suis vraiment content de te recevoir ici dans les studios parce que Angéline m'a parlé de toi et puis je me suis dit bon on va s'intéresser quand même et effectivement j'ai vu que tu as une carrière déjà bien étoffée mais hein, ça fait combien d'albums que tu sors? Alors là j'ai sorti le quatrième et puis j'avais fait des petits singles comme ça un petit peu entre donc voilà, donc on a sorti le quatrième album. Très bien. Et tu as une voix, une voix assez grave, on l'entend bien dans les studios. Et tu chantes des chansons en français. Oui, en français. Bon, ça m'est arrivé de chanter des chansons un petit peu aussi en anglais et un petit peu en italien, un d'accord. Petit peu en japonais. Mosconi, c'est un peu italien, non? Oui, parce qu'il y a le père. Très bien. Bah, il y a un i. Je me suis dit peut-être, hein, mais voilà, on a tous des origines de partout. Et c'est ce qui fait notre richesse aussi, hein. Voilà. Et oui. Donc tu chantes principalement en français, mais aussi donc en italien entre. Ouais, ça c'est plus. Pour me faire plaisir, on va dire. D'accord. C'est pas pour pouvoir faire une carrière en Italie ou au Japon. On va dire, j'aime bien entendre mes chansons aussi qui ont été adaptées en langue étrangère, juste pour voir, quelqu'un me l'avait pris, un italien, comment ça aurait fait, ou un japonais, ou un anglais. D'accord. Très bien. Et comment tu as rencontré Angéline? Alors, par le biais de Pascal, j'ai rencontré un. Pascal Brett, hein, qui est là ce soir. Oui, il y a deux Pascal, donc on s'est rencontrés au bar de l'Olympia un soir. Et puis moi j'avais un petit peu mis la musique de côté et puis je lui ai dit j'ai des chansons, il voulait absolument qu'on fasse un petit peu de scène. J'étais plus trop chaud et puis je lui ai dit oui mais il faut qu'on repasse sur quelque chose de nouveau. Donc je lui ai dit écoute si tu veux me faire un album, dans ce cas-là je suis partant. Et puis du coup il me fallait des musiciens. Du coup, il m'a présenté Angéline pour faire quelques chœurs sur mon album que j'étais très content. Donc voilà. Très bien, donc comme ça on connaît l'histoire, on sait comment vous êtes rencontrés. Et je propose qu'on écoute tout de suite un premier morceau. Oui, si tu veux. Alors le premier morceau, c'est une reprise, c'est un morceau qui s'appelle Nuit et brouillard. Ah d'accord, ok, oui. On l'écoute. C'est sur mon premier album, oui. Ouais. On l'écoute et puis on en parle juste après. D'accord. Ils étaient vingt et cent, ils étaient des milliers. Ils y maigres tremblants dans des vagues courbées. Ils déchiraient la nuit de l'ensemble de battants. Ils étaient des milliers, ils étaient vingt et cent. Ils se croyaient les hommes, n'étaient plus que des nombres. Et depuis longtemps déjà leur dé était jeté. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais revoir l'été. Combien de tours de route, d'arrêt et de départ, qui n'en finissaient pas, de distiller l'espoir. Ils appelaient Jean-Pierre, Natacha ou Samuel, Saint-Apie et Jésus, Jéhovah ou Vishnu. D'autres ne priaient pas, et qu'importe le ciel, ils voulaient simplement vivre à genoux. N'arrivez pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux? Ils étaient noyés, ils tenaient qu'à leur âge, les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Les Allemands guettaient du haut des miradors, la lune se taisait comme vous vous taisiez. En regardant trop loin, en regardant l'aurore, pour que j'aie été temps. Alors chien policier, on me dit à présent que ces mots n'ont plus cours, qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que le sang s'échevite en entrant dans l'histoire, et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Mais qui donc qui le taille à pouvoir m'arrêter? Je rappellerai les mots, s'il fallait les rappeler, pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez. Vous étiez impuissants, vous étiez les milliers, vous étiez maigres, tremblants, dans des wagons plombés. Vous déchiriez la nuit, comme vos ongles battants. Vous étiez les milliers. Voilà donc le premier morceau que nous écoutons de Pascal Mosconi ce soir. C'est une reprise. Hein. C'est une reprise. C'est un morceau qui a été repris donc de qui? De Jean Ferrat. Jean Ferrat, voilà, un grand artiste. Hein. Ouais, donc, si je te raconte un petit peu la petite histoire qui va autour de ça, c'est que quand j'ai fait mon premier album, la personne avec laquelle je travaillais m'a dit, ça serait bien qu'on fasse une reprise. Alors j'ai dit ouais, ok, faut voir. Et il m'a dit mais je vais pas te dire de qui on va faire. Je fais l'arrangement et puis je te dirai après qui c'est, parce que je voudrais pas que tu sois influencé par cet artiste. Alors j'ai dit ok, moi. Donc quand il m'a donné la chanson, il avait fait une voix témoin. Je connaissais pas du tout et du coup bon, on l'a enregistré et c'est après que j'ai appris que c'était de Jean Ferrat. Bon, on a fait une version un petit peu différente. Et c'est vrai que, alors bon, pour les puristes de Jean Ferrat, bon, ça passe un petit peu pas très bien, mais j'ai eu des bons retours quand même sur cette chanson. Oui, je pense que la chanson, tu l'as réinterprétée à ta manière, alors, avec ta voix. C'est ça. Vrai qu'avec un texte comme ça, voilà, on a envie vraiment de se libérer dessus, quoi. Mm-hmm. Vraiment de rentrer dedans, quoi. Une très belle chanson, et c'est vrai que, bon, je sais pas, je vais pas pouvoir dire par rapport aux nouvelles générations, mais c'est vrai qu'à cette époque-là, il y avait quand même des artistes qui écrivaient des textes qui étaient magnifiques, et qu'on a un petit peu oublié, ce qui est un petit peu dommage, hein, parce qu'il y a quand même de très bons artistes, de très bons textes qui pourraient être repris aujourd'hui avec des musiques actuelles, des enregistrements actuels et tout ça. C'est vrai. Il y a tellement de belles chansons avant que moi-même, des fois, je connaissais des artistes dont je connaissais pas très bien leurs œuvres, que je me mets à découvrir. Et puis je me dis, c'est vrai, il y avait des beaux textes, des belles chansons. Ça mériterait peut-être d'être réinterprété, mais bon. Après, ouais, voilà, il y a les puristes. Et après, il y a aussi les puristes qui disent, ouais, mais la version d'origine, ouais, c'était vrai, quand même vrai. La vraie, etc. C'est vrai, ouais. Mais bon, après, il faut aussi, de temps en temps, continuer à faire vivre les musiques qu'on aurait un petit peu oubliées. Et puis, donc, tu as aussi les tiennes, parce que, oui. Alors, comment ça se passe? C'est toi qui écris tes chansons? Alors, au départ, non, je faisais rien, je me contentais juste de chanter. D'accord. Et puis, un jour, je me suis dit, ce serait bien que j'écrive. Alors, moi, je pensais pas composer, mais écrire. Mais le problème, c'est que c'est un art d'écrire, et et j'étais pas très fort dessus, donc tout ce que j'écrivais, j'avais l'impression que ça avait déjà été fait. D'accord. Et puis un jour, j'ai eu un texte, et puis je lui ai dit, tiens, bon, bah, je connaissais quelques accords à la guitare, j'ai dit, je vais essayer, puis j'ai composé ma première mélodie, que j'osais pas faire écouter à quelqu'un, parce que ça, je me disais, ça a dû être déjà fait. Hein. Et puis, bon, bah voilà, c'est venu, alors, tout le monde m'a dit, oh, mais c'est pas trop mal, et tout. Alors du coup, bah, la deuxième est venue, la troisième est venue, et puis du coup, maintenant, bah, j'essaye de faire mes propres chansons, moi, de les composer. Et puis j'ai fait, sur le dernier album, j'ai fait un texte, mais j'ai pas réussi à faire la musique, alors je l'ai donné à Pascal Brett pour qu'il me fasse la musique. Donc, d'accord. Coup, voilà, c'est lui qui m'a fait la musique, du coup. Vous êtes bien accompagné, donc voilà. Forcément, ça aide aussi. Hein. Très bien, donc des très belles chansons, des chansons à texte, mais là j'ai calé un deuxième morceau, c'est aussi une deuxième reprise comme par hasard. Ah, bon. C'est une reprise de, bon, on parle d'une marque de moto américaine célèbre, donc tu vois de quel morceau que je veux parler, tu veux nous en parler un petit peu? Oui, c'est alors, Harley Davidson. Donc ouais. Oui, donc j'ai eu une Harley dans ma vie, moins deux même, et je me suis dit, tiens, puis, ça serait pas mal de chanter Harley Davidson en version un petit peu plus rock. Donc j'avais été un petit peu me balader un petit peu sur le net pour savoir tout ce qui avait été fait autour de cette chanson. Donc je me suis dit ça serait bien de l'adapter un petit peu rock. Voilà. Alors la version de Bardot est plus sensuelle que la mienne, mais... Bah après ça dépend voilà. Pour qui. Hein. Ouais, voilà. Donc j'ai demandé à Pascal de me faire un arrangement et puis voilà. Ta version. Oui. Donc voilà, on l'a fait un petit peu plus rock, on va dire. Très bien, on va écouter le morceau tout de suite, on va sûrement le reconnaître. Moi, c'est la première fois que je l'écoute, hein, parce que tu es venu avec une clé USB dans laquelle il y avait plein de bons morceaux. Oui. On n'aura pas le temps de les passer tous, donc il y aura des morceaux du dernier album et quelques chansons aussi que tu as choisies dans les différents albums. Oui. Il y avait celle-là, donc on se dit, tiens, celle-là, je la connais un petit peu, on va l'écouter et la découvrir tous ensemble dans l'émission Mavrika. Ça s'appelle Harley Davidson et c'est notre ami Pascal Mosconi qui est présent dans cette émission numéro 574. Je n'ai besoin de personne au Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne au Harley Davidson. Je quitte la terre. Je vais peut-être au paradis, mais dans un train d'enfer. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Et si je meurs demain, c'est que quel était mon destin. Tiens bien moi ça la vie qu'à mon terrible engin. Je n'ai besoin de personne au Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne au Harley Davidson. Quand je sens en chemin les trépidations de ma machine, il me manque des désirs dans le feu de mes Voilà donc la version de Pascal Mosconi qui est notre invité ce soir avec Angéline Anonier. Et il y a aussi Pascal Brett qui est aussi dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. On l'entend un peu moins, il parle un petit peu moins, mais tout à l'heure on va écouter sa guitare et il sait mieux faire chanter la guitare que peut-être que sa voix. Oui, oui, après il peut improviser, il n'y a pas de problème. Ok. Ah, tu t'attendais pas à celle-là. La bonne humeur dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, en tout cas, ça rigole. Donc ce morceau, reprise Arlette Davidson. Quels sont les artistes qui t'ont inspiré? Là, on a parlé de Gainsbourg, Ferrat, peut-être pas directement, mais effectivement, voilà. Bon, alors c'est vrai que quand j'étais jeune, j'ai écouté beaucoup Johnny. Voilà. Je pense que les gens, des fois, te comparent un petit peu, parce qu'il y a quand même une tonalité, une voix. Alors, j'ai pas vraiment la même voix, mais. Oui, la même tonalité. Oui, non. On va dire les intentions, les intonations. Et c'est vrai que, bon, j'ai écouté Johnny quand j'étais jeune, mais c'est parce que mon frère était fan de Johnny, qui était un petit peu plus vieux que moi, donc forcément, j'ai été baigné avec Johnny. Et puis après, plus tard, dans les années 80, quand j'ai commencé un petit peu à me mettre un peu plus au hard rock, j'adorais le hard rock. D'accord. Et après, je suis tombé sur Bruce Springsteen. Et là, Le boss. Ouais, donc je suis assez fan de Bruce Springsteen. Très bien, donc voilà, les artistes qui t'ont influencé. Influencé, je sais pas, mais j'aimerais bien, des fois me dire, tiens, je vais essayer de faire un compo un petit peu dans le genre de. Bon. Et puis ça prend une autre tournure, et puis. Donc voilà. Très bien, donc voilà, de bons artistes. Tu chantes depuis combien de temps? Parce que là, je vois, d'après le nombre d'albums, il y a quand même. Tu as commencé très jeune. Comme tout le monde, on a fait un groupe à l'âge de 15 ans, quoi. Donc j'avais un copain qui voulait se mettre à la batterie, un autre à la guitare, un autre à la basse. Et moi, j'étais un petit peu feignant, je me suis dit, je vais me mettre au chant. Et c'est pas ce qu'il y a de plus facile, pourtant. Et oui, et puis c'était même laborieux à l'époque. On a commencé. On a commencé dans les caves, et puis on avait mis des boîtes d'œufs au mur, mais ça passait quand même, et les gens, ils gueulaient dans l'immeuble. Parce que, on faisait du rock, du rock'n'roll à l'époque. Donc, voilà. Et puis, après, on a commencé à faire un petit peu de musique, mais c'est après quand je me suis dit on va essayer de faire ça un petit peu plus sérieusement, donc j'ai rappelé mes anciens collègues des boîtes d'œufs là. Et du coup j'ai dit il s'appelait comment le groupe? Ah non, il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom, les boîtes d'œufs. Voilà. Et du coup je sais où j'en suis. Et puis j'ai dit j'aimerais bien qu'on fasse de la musique, voilà. Et il y en a un qui a eu la bonne idée de dire ça serait bien si t'avais tes propres chansons. Alors, moi je savais pas que ça pouvait exister, d'avoir ses propres chansons. Et du coup il m'a dit si tu veux, moi je te l'ai fait. Et c'est comme ça qu'on a commencé un petit peu à faire de la musique avec mes propres chansons. D'accord. Voilà. Et j'ai trouvé ça, c'est vrai que c'est tellement bien d'avoir ses propres chansons que j'avais pas envie de faire un sou de Johnny ou un sou Bruce Springsteen ou voilà, donc un sou préfet. Donc voilà. Oui, voilà. La musique, on pourrait dire ça fait Johnny ou pas, mais il a tellement fait de choses que. Oui, après, non, mais effectivement, il y a peut-être un peu le timbre de la voix, comme je disais tout à l'heure, la manière peut-être d'interpréter, parce qu'il y a forcément, on ressemble toujours forcément à quelqu'un d'autre. Oui. Donc, il y a forcément d'autres choses aussi, hein. C'est sûr. Et donc, les chansons que tu as écrites, quelles sont les sources d'inspiration pour les paroles? Alors, moi, j'écris pas, me donne des textes. D'accord, là, donc. Et si ça me plaît, je prends ma guitare et j'essaye de trouver une petite mélodie. Et puis, une fois que j'ai trouvé la petite mélodie, j'appelle mon collègue Pascal Brett, ici présent. Et je lui dis, habille-moi tout ça. Alors elle me demande toujours un petit peu dans quel esprit. Alors je lui amène des chansons. Alors moi, je lui amène toujours les chansons de Bruce Springsteen. Et puis il vient aussi un petit peu avec ses idées. Et puis des fois, ça matche bien. Donc voilà. Très bien. Alors il y a parmi les morceaux qu'on avait mis de côté tout à l'heure, il y avait un morceau qui parle des Indiens. Ouais. C'est une source d'inspiration ça, les Indiens, ou c'est quelque chose? Non, parce qu'à la base, quand j'ai commencé un petit peu à écrire, à composer, et on m'avait donné une chanson sur C'est quoi, c'est quoi. Il y en a, ça. J'ai l'impression que ça fait rire, les Indiens. Je pense qu'ils sont allés loin, mais c'est une certaine question qui était passée sur notre radio. Ah, d'accord, okay, ouais, ouais. Non, parce qu'on a une anecdote, je vais la raconter. On a une anecdote, on passait sur une radio en Belgique. D'accord. Et parce que je devais faire un concert au mois d'août, donc on avait fait un petit peu. J'étais parti avec Pascal Boite, on est parti faire une radio en Belgique pour promouvoir un petit peu le spectacle. Et puis je me suis gouré, j'ai donné la version playback des Indiens. D'accord. Qui dure 6 minutes. Et du coup, j'avais un copain belge, un chanteur qui était venu, et puis il aime bien cette chanson, donc on avait dit qu'on la ferait en duo. Et puis du coup, bon, on passe la chanson, normalement elle passe à la radio, mais on a eu des petits problèmes techniques en plus. Et puis après, je vois le mec qui organisait le spectacle, et je lui dis, je peux faire un duo avec... Elle m'a dit, ça dépend, c'est quelle chanson? Ben, j'y suis sur les Indiens. Oh, elle me dit, non, elle est trop longue et tout. Ben, j'ai dit, ah bon, pourquoi? Elle me dit, non, non, les gens, ils vont partir. J'ai dit, ah bon, je comprends. Puis d'un seul coup, je réfléchis, je m'étais goûté à la chanson, on avait mis la version playback, mais forcément, donc, 6 minutes sans parole, il a trouvé ça le temps long, un petit peu. Donc voilà pour l'anecdote. Et pour l'autre anecdote de cette chanson, c'est une chanson... À la base, quand j'ai commencé à composer, c'était au dernier des loups. Et je me suis dit, je peux pas chanter ça, c'est pour Johnny, les loups. Et du coup, quand j'ai dit, ah, fais voir le texte, j'ai composé cette chanson, et on a essayé de la présenter à Johnny, qui, heureusement ou malheureusement, pour moi, n'en a pas voulu, parce qu'il avait trop fait ce genre de chanson. Donc du coup, j'ai dit, bon, bah, je vais la garder pour moi, mais je voulais pas chanter les loups. Alors j'ai revu celui qui avait écrit le texte. J'ai dit, bah, moi, j'aime bien les États-Unis, toi. Donc, ouais. Et puis j'aime bien les Indiens aussi. Aussi, ouais. Du coup, j'ai essayé de me faire à peu près le même texte, mais au lieu de dire au dernier des loups, on va dire au dernier des Indiens. Donc voilà, ça a été fait. Et puis bon, bah, du coup... J'ai appelé Pascal Brett. Je lui ai dit, voilà, j'ai une chanson sur les Indiens. Et je lui ai dit, ça serait bien qu'on mette un Indien en intro, tout ça. Il m'a dit, mais j'ai ce qu'il faut. Et donc, il avait un ami qui parlait le Sioux. Donc, voilà, il est venu. Non, mais là, c'est vrai, c'est une histoire. D'accord. Et du coup, voilà, donc j'ai. Qui s'appelle Slim Bateux et qui est venu chanter en Sioux au début de la chanson et à la fin. Et un petit peu au milieu. D'accord, mais c'était un vrai Sioux ? Non, c'est un... Ah, il connaissait la langue, mais... Ah oui, il avait appris le Sioux, et puis c'est un musicien qui a accompagné pas mal de personnes, qui d'ailleurs, je pense que Pascal en parlera tout à l'heure, quand... Slim Bateux. Oui, pourquoi j'en parle ? Bah, il a accompagné, je sais pas, Eddie Mitchell, Angélie, je crois que tu le connais aussi. Oui. C'est un grand fan des Indiens d'ailleurs. Oui, un grand fan des Indiens. Il a une basket bleue, une basket rouge. Oui. D'accord. C'est ça qu'on le remarque. Et puis c'est chaud. Ok, très bien. Et tu as eu la chance aussi de rencontrer Johnny Hallyday, toi aussi alors ? Alors moi j'ai eu la chance. Il habitait à côté de chez moi quand j'avais 16 ans. Et quand j'ai appris qu'il habitait à côté de chez moi, j'ai pris ma mobylette avec un copain et on est carrément rentré. Le portail est ouvert et on est carrément rentré pour frapper à la porte. Et là, il y a un monsieur qui est sorti, il a dit « C'est pourquoi ?» Je dis « Bah, c'est là qu'habite Johnny Hallyday. » Il a dit « Ouais, mais je serais vous, je resterai pas là, il y a les chiens. » Alors comme on était courageux, on avait 15 ans, on est remonté sur les mobylettes. Et après, je l'ai rencontré dans la rue, il venait faire ses courses, toujours à côté de chez moi, et voilà, il est bras dessous avec une demoiselle, qui n'était pas Sylvie Vartan d'ailleurs. Mais j'ai pas le nom. Donc voilà, maintenant on peut le dire, hein. On sait. Hein. Très bien, donc voilà. On va écouter ce morceau, donc un hommage aux Indiens, oui. Aux Indiens d'Amérique. C'est parti, on écoute tout de suite Pascal Mosconi. Derniers Indiens, maudits de la terre, de la rage au poing, peinture de guerre. Derniers Apaches de Geronimo, fer et le feu, tambour en écho. pierre, esclave de rien. Sans chaîne et sans fer, ni maître ni chien. Dernier comanche, maudit comme la peste. Leur plaine sans fin, Mustang de l'Ouest. Aux derniers Indiens, aux derniers adieux. Le race d'humains, oubliez tes dieux. C'est peut-être toi, c'est peut-être nous. C'est peut-être moi, le dernier des cieux. Indiens, au dernier totem. Crazy Horse en tête, pouvoir de Sachem. Aux derniers Indiens, aux dernières tribus, qui n'oublient en rien ce qu'elles ont vécu. C'était juste leur terre, c'était leur destin. C'était juste leur mère, c'était le mot fin. Dernier Cheyenne, compagnon d'alliance. Si Ding Bull entraîne ses frères dans la danse. C'est toi, c'est peut-être nous. C'est peut-être moi, le dernier des cieux. Des cieux. de Jésus la royauté. Voilà donc aux derniers Indiens, Pascal Masconi qui est notre invité aujourd'hui. Ce soir on va découvrir donc pas mal de nouvelles chansons dans l'émission Mavrika, des chansons qu'on n'a pas encore écoutées. Hein. Là c'était un morceau donc dédié aux Sioux, hein, avec justement quelqu'un qui chante en Sioux aussi. Hein, donc voilà. c'est drôle parce que là on a encore voyagé. Tout à l'heure on était à Shanghai, là on a été aux États-Unis avec les vrais Américains. Hein, puisque c'était eux qui étaient là avant les blancs, avant les cow-boys, etc. Mais bon, ça fait partie de l'histoire. Et puis j'aime bien ce côté-là, les Sioux se mettent jamais à genoux parce qu'ils se sont battus jusqu'à la fin pour résister aux envahisseurs. Alors que ce qu'ils voulaient simplement, c'était recevoir d'autres personnes avec eux. Ils avaient de la place pour à la base, c'est des paysans. Tout simplement, c'est des gens qui se sont battus pour défendre simplement ce qu'on essaie de leur piquer, quoi. Tout simplement, voilà. Ça fait partie de l'histoire. C'est peut-être pas quelque chose de très bien pour les États-Unis, mais bon. Ça fait partie de... Ce sont les vrais Américains, on va dire ça comme ça. Ouais. Très bien, ça fait partie de l'histoire. Mais les Américains, les Blancs aussi, sont pas tous mauvais, hein, heureusement. Hein. Très bien. Il y a des bons. Il y a des bons partout. Tiens, ça me fait penser, on va peut-être écouter un Américain qui est bien aussi. On l'écoute tout de suite. C'est parti. Ah. Oh, retour dans les studios de Radio Arc-en-Ciel avec nos invités. Alors ce soir nous avons de plusieurs personnes ici, Angéline Anonier, nous avons Pascal Mosconi et Pascal Frette qui sont dans nos studios. Voilà, on va citer tout le monde, hein, on ne va oublier personne. Il y a aussi une autre personne, hein, je ne sais pas si tu veux nous parler un petit peu. Eh ben moi je suis venu avec ma maman. T'es venu avec ta maman? Et mon papa. Et ton papa. Très bien. Donc nous sommes plusieurs ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. On écoute de la bonne musique. Alors là on a parlé tout à l'heure de Bruce Springsteen. Alors j'ai fouillé un petit peu dans mon ordinateur. Je sais pas si c'est ta chanson préférée. En tout cas Bruce Springsteen. J'aime bien. On va dire que ça fait partie de l'album que quand j'ai découvert Bruce Springsteen en 84. Mmh. Ce fameux album Born in USA. Et il était passé à la Courneuve et à l'époque, personne ne voulait venir avec moi pour aller le voir à la Courneuve, donc du coup, j'y suis pas allé. Mais par contre, après, il est passé en 87, il est passé à Vincennes, c'était là à côté où j'habitais. Et donc là, je me suis dit, j'y vais. Donc, et là, j'ai pris une claque. Et le deuxième morceau, donc il est arrivé, il a chanté Tunnel of Love. Et le deuxième morceau qu'il a chanté, c'était Boom, Boom, Boom. Et là... j'ai eu les poils qui se dressent, comme on dit. Et d'ailleurs, j'ai repris cette chanson dans mon dernier album parce que c'était la révélation en disant... on se dit toujours, j'ai envie de faire ça, Donc voilà, quoi. Donc c'était la... Pour moi, Bruce Springsteen, c'était la révélation de dire, j'ai envie de chanter, de faire du rock, quoi. Mmh. Donc voilà. Donc une bête de scène, quelqu'un qui est accompagné par des musiciens qui sont formidables qui donne tout, quoi. Là j'étais le voir à l'Arena, je crois que ça s'appelle pas comme ça. L'Urena. Ah, merci Pascal Bright. c'était 3 heures, mais la dernière fois que je l'ai vu, c'était à Bercy, c'était quand même 4 heures sur scène, Ouais. Alors il faut aimer les chansons de Bruce Springsteen, parce que des fois je me dis si j'allais voir un autre artiste et qu'il m'en collait pour 4 heures. Ouais, mais peut-être que les autres artistes au bout d'un moment on les reconduirait un petit peu, alors que Bruce Springsteen chanter 4 heures, je crois que ça dérange personne. Voilà. Voilà, il faut quand même aussi. Et là, il repasse à Marseille et je vais aller le voir à Marseille, donc du coup au Stade Vélodrome au mois de mai. Très bien, donc un très grand artiste, et puis qui a une carrière déjà bien étoffée aussi. Oui. Et c'est une référence, hein, parce que qu'on écoute du Bruce Springsteen, on sait que c'est lui. Ouais, alors c'est marrant parce que paradoxalement, en France, il n'a pas l'air d'être si connu que ça. On le connaît un petit peu, mais je sais qu'en Italie, quand il passe, c'est plusieurs dates. En Espagne, quand il passe, c'est plusieurs dates. En Allemagne, bon, en Angleterre, oui. Mais en France, il passe à Paris. Bon, là, c'est exceptionnel. Il passe à Marseille parce que, à cause des Jeux Olympiques. Mais sinon, il revient, il passe 4 dates en Espagne, 4 dates en Italie, et nous, on a le droit qu'à une seule date. mais bon, après, c'est pareil, la culture rock en France est peut-être un petit peu mieux. Voilà, je vois des, moi, il y a plein de groupes américains qui tournent, qui sont mondialement connus, que je connaissais pas grâce à la France. Heureusement, j'ai eu la chance de voyager aussi, et puis en Espagne, au Portugal, il y a des artistes découverts, et je me suis dit, tiens, mais, là-haut, ils écoutent ça parce qu'ils ont cette culture rock. J'ai l'impression qu'en Espagne ou au Portugal, et même un petit peu en Italie, on a une culture un petit peu plus rock que chez nous, ici en France. On l'a un petit peu oublié depuis quelques années. On voit que même, je parle pour les Italiens, moi, qu'ils ont gagné l'Eurovision, pas cette année, mais l'année d'avant, avec un groupe de rock, Maneskin, et qui tourne maintenant, qui tourne bien en Europe. Donc ils ont encore une culture un petit peu rock. Nous on l'a plus trop. Maintenant on écoute du rap. Ouais. J'ai rien contre le rap, mais bon c'est pas ma musique, quoi. Et puis quand on écoute du rock, on passe un peu pour des vieux, quoi. ce qui est un petit peu vrai aussi, hein, parce que moi qui ai la chance d'aller régulièrement à des concerts, malheureusement je vois les gens qui vieillissent de plus en plus. Mais ça me fait toujours plaisir de voir des petits jeunes. Il y a aussi des jeunes qui s'intéressent à ça. Et rock. Au rock, ouais. Ouais, mais ça passera pas. C'est fini maintenant. Je pense que ça passera vraiment. À l'époque, dans les EHPAD, c'était les musettes. Hein. Maintenant, ouais. C'est vrai que maintenant, dans les EHPAD, on pourra jouer du Rolling Stone. Non, non, mais c'est vrai que nous, on a connu aussi une époque où, où à la radio ou à la télévision, il y avait, on passait très bien du rap, comme de la chanson, la variété. Je pense aux émissions, par exemple, de Dimanche Martin, etc., où il y avait un petit peu tout mélangé, quoi. Mmh. À une époque, il y avait quand même ce mélange-là. Et aujourd'hui, toutes les radios sont un peu spécialisées dans un style de musique et on n'écoute pas autre chose. Et c'est un peu dommage. Ouais. Parce que ouais. moi, j'ai découvert des morceaux de jazz, des morceaux de, j'ai une culture quand même assez générale parce que de la musique classique, plein de choses comme ça, qui me parlent aujourd'hui parce que je les ai écoutés, parce qu'on me les a fait écouter. Mmh. La culture, ça se transmet aussi, hein. Pourquoi on aime telle ou telle musique? Parce que des fois, on traîne avec des gens qui écoutent telle musique et on finit par l'aimer, et ainsi de suite. C'est quelque chose qui se transmet, hein. C'est culturel. Aujourd'hui, c'est un petit peu dommage. Par contre, quand on écoute les radios portugaises, par exemple, il n'est pas rare d'écouter un morceau de rock, un morceau de fado, et puis après un morceau de variété. Voilà, ça n'empêche pas. En France, on a un peu perdu ce côté-là, quoi. C'est un petit peu dommage. Ouais, c'est dommage. Bon. Enfin, bon, on va pas refaire le monde. Hein. Non. C'est comme ça. Si, il faut refaire. Faut faire le Non, mais la musique, quand elle est bonne, et puis voilà, surtout, quel que soit le style, quand la musique est bonne, ça me rappelle quelqu'un. Je sais pas qui. Une chanson de ça là, quand même. Je pense qu'il y a. Ça a jamais été fait. Quand la musique est bonne, ça me rappelle quelqu'un. Ouais, je sais pas qui, mais bon, quelqu'un qui a écrit d'ailleurs des chansons pour Johnny Hallyday aussi. Notamment, ouais, tout notamment. Album, voilà, Jean-Jacques Goldman pour ceux qui l'auraient pas reconnu. Voilà. Justement, moi j'ai envie de diffuser aussi une chanson en hommage à Johnny, qui est interprétée par Jimmy. Voilà, j'ai cherché parce qu'on a dit on va passer un morceau de Jimmy. Et c'est une chanson qui a été écrite suite à la disparition de Johnny Hallyday. Et c'est Au revoir Johnny, parce qu'on dit pas adieu à Johnny. Johnny est toujours vivant. Et donc je propose qu'on écoute ce petit morceau-là. Ouais. Vous la connaissez tous, non? Non, moi je la connais, je l'ai entendue, mais ouais. Récemment elle a sorti un nouveau titre. Aussi. Ouais. Intéressant. Très bien. Sur voilà. Ah bah on va essayer de le chercher alors. Son fan. Je connais pas le titre donc je peux pas faire. D'accord. Bah si on le trouve pas aujourd'hui, on le diffusera dans les prochaines émissions. Il y a pas de souci. C'est toujours un plaisir de diffuser les artistes qu'on a reçus dans l'émission Mavrika et on les oublie pas, ils passent, voilà, on leur consacre une émission, mais dans les autres émissions, on aime bien aussi réécouter à nouveau des morceaux d'artistes qui sont déjà passés dans l'émission et aussi d'artistes qui sont pas encore venus mais qu'on aimerait bien recevoir. Voilà. Bruce Springsteen, si tu nous écoute, si t'as envie de passer ici tu m'inviteras ce jour-là, hein. Je pense que les studios seront bien pleins. On écoute Au revoir Johnny par Jimmy Sugar. Au revoir. studios de Radio Arc-en-Ciel après avoir écouté ce morceau que en hommage à Johnny Hallyday, Au revoir Johnny, interprété par Jamie Sugar. Voilà, on y a pensé et on l'a fait. Voilà. Je suis en train de regarder l'heure, je dis mais mon Dieu que le temps passe vite. Il nous reste presque plus qu'une heure et on a plein de choses encore à découvrir. Donc on va revenir à Angéline. Je suis toujours là. On va parler de ton actualité, toi. Donc, tu nous avais dit qu'il y avait des concerts, il y avait des choses au mois de janvier, février. Mars, voilà. Tu as des dates à nous donner exactement ou... Oui. Alors, oui. Si tu veux que je te donne les jours précis. Oui. Je pense que ça peut intéresser les auditeurs. Peut être voilà, faut qu'ils se déplacent. Parce que... Ah oui, parce que c'est pas toujours dans la région. Voilà, à partir du moment. Alors, si je dis Paris. Paris. Nous sommes le 19 janvier au backstage, c'est à Montrouge. Nous sommes le 20 janvier à la salle Roger Couder à Cervon, c'est dans le 77. Ensuite, nous sommes donc le 10 février, c'est un samedi, et là, c'est au New Morning, rue des Petites Écuries. Et ensuite, nous sommes le 9 mars, c'est aussi un samedi, au Théâtre de Sens. D'accord. Voilà. Donc, plein de... Alors, tu te déplaces pas mal, mais sur Orléans, c'est quand ? Eh bien, écoute, moi, je viens quand vous voulez. Mais je sais pas du tout qui contacter ou quoi faire ou quand ou comment pour venir à Orléans. Mais sinon, ça serait avec plaisir. Je sais pas s'il y a des festivals ou des choses comme ça. Tu sais, Oui, il y en a pas mal. Après, voilà. Il faut essayer de contacter les différents organisateurs. C'est ouais. Ça, il faut contacter les organisateurs, il faut apporter des dossiers. Voilà. Et puis, en plus, en fait, si certains organisateurs nous écoutent ce soir aussi, ce qu'il y a de bien, c'est de manifester parce que... Il est bon que les personnes viennent nous voir en live, comme ça ils savent très exactement de quoi ils retournent. Mmh. Ouais, c'est vrai que c'est là qu'on découvre vraiment les artistes, hein, parce qu'un disque, ça nous permet de les écouter, de les réécouter, etc. On peut acheter le disque, l'écouter à la maison, dans la voiture. Mais après qu'on va au concert, c'est quand même une autre dimension, c'est quand même quelque chose de mieux. Il y a la lumière, il y a le bruit, il y a le son professionnel, les odeurs. C'est ça, il y a toute l'interaction avec le public ou l'interaction entre les musiciens, il y a toute l'ambiance, hein, toute la vie, parce que c'est vif. On parle de tous ces artistes, Bruce Springsteen, Johnny Hallyday, etc. On les écoute à la maison, c'est sûr, mais quand on va les voir en concert, il y a quand même une dimension... extraordinaire qui se met en place. Il y a tout ce que ressent le voisin, il y a toutes les émotions véhiculées dans la salle. C'est vrai que ça se transmet, ça. Hein. Ouais. L'artiste, il est dopé par le fait que tout le monde l'applaudit. Et donc lui se dépasse et du coup, les gens l'applaudissent encore plus. Et après, il y a une osmose qui se crée et puis on arrive à quelque chose de formidable, quoi, des bons souvenirs, des choses qu'on n'oublie jamais. Qu'on n'oublie jamais. Mais de toute façon, je crois que les artistes ont cette force extraordinaire. Bon, je sais que j'adore les Beatles, mais regardez les Beatles, ils n'étaient même pas encore sur scène que les filles hurlaient et qu'elles s'évanouissaient. C'est extraordinaire. j'ai vu ça, je l'ai même vu avec certains artistes que j'ai accompagnés. C'était impressionnant de voir les personnes courir après la voiture pour avoir un autographe ou hurler en s'avançant devant la scène. Moi, je me souviens d'un soir où Johnny chantait. Il a chanté Que je t'aime, et à un moment donné, il s'est arrêté sur un visage, et la fille a disparu sous son fauteuil. ça l'avait tellement elle était touchée. Enfin, mais c'est quelque chose de vraiment assez impressionnant de voir à quel point les personnes absorbent, en fait, les émotions, les histoires qui sont racontées dans les chansons. Ouais, c'est vraiment l'émotion, parce qu'on parlait tout à l'heure de son, mais après, c'est ce qu'on ressent, c'est ça qui, tout à l'heure, on parlait aussi de, ça c'est quelque chose qu'on contrôle pas, hein. Il y a des chansons qu'on aime bien et puis il se passe rien, puis d'autres chansons qui sont interprétées et là on a les poils qui se redressent, on dit voilà, c'est quelque chose de formidable, on sait qu'on vit un moment formidable. Et des fois quand je vais au concert, je dis ouais, c'était bien sans plus, et d'autres fois je dis c'est pas possible, ça fait trois fois que ça m'arrive là dans le concert, là il est vraiment à fond, il y a quelque chose qui passe vraiment bien. Voilà, donc c'est, et on s'en souvient de ça parce que ça nous marque non seulement dans notre souvenir, mais l'émotion, c'est quelque chose qui rentre dans notre cerveau et qui en sort plus jamais, quoi. Mmh. On se souvient des émotions quand on était enfant et tout ça. Ça, c'est quelque chose qu'on garde pour toute la vie. Et donc, des moments d'émotion comme ça, bah, c'est inoubliable. Donc, il faut aller au concert, aller voir les artistes. Et il faut aller au concert, il faut venir. C'est vivant, en fait. On en repart. Enfin, je trouve qu'on est, je sais pas si les uns les autres font ça, mais je trouve qu'on est regonflé, réénergisé, énergisé. Et il se passe vraiment un truc, quoi, en fait. Mmh. D'ailleurs, j'ai une petite annonce à faire à propos de concert, puisque j'ai un artiste qui est déjà venu dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, c'est Bruno Bauer, qui joue dans Planet of Pixies. Donc c'est un groupe qui reprend les morceaux des Pixies, hein, comme le nom l'indique. Et il sera en concert demain. Bah voilà, c'est pas Orléans non plus. Il jouera au café de la gare à Rambouillet, voilà, mmh. À partir de 19h45, donc ça sera Planet of Pixies. Donc si vous avez la possibilité d'y aller, applaudir, si vous aimez les Pixies, si vous aimez Bruno Bauer, ça sera l'occasion d'aller le voir sur scène. Donc voilà, on fait un petit peu de publicité aussi pour les artistes. Mmh. Et y a aussi un autre concert, tiens, je suis en train de penser, il y a un concert qui est commencé ce soir là, donc c'est en deux parties. Ce sont les City Kids, c'est un groupe du Havre que j'ai déjà eu l'occasion de voir, qui viennent assez régulièrement sur Orléans et qui devaient, c'est peut-être leur dernier concert sur Orléans, je ne sais pas exactement, mais ce soir ils sont en concert et il y a Phil Twangy qui joue, et demain ça sera les Brigitte Bob qui seront là avec les City Kids à nouveau, donc en deux jours ils vont faire deux concerts au Dropkick à Orléans. Voilà, donc je tenais à le dire pour ceux qui aiment la musique qui envoie du bois, ben allez-y, le rock and roll est vivant et il y a des endroits où on peut l'écouter sur Orléans. Voilà. Donc voilà pour les petites annonces. Hein. Je pense que s'il y a d'autres choses, après on pourra les rajouter. Et toi, Pascal, est-ce que tu fais des concerts régulièrement ou... Alors, pour moi, c'est un petit peu plus difficile vu que je fais mes propres chansons et malheureusement. À l'heure d'aujourd'hui, tout ce qui est concert, tout ça, on fait plus confiance à des gens qui font un peu de reprise, un petit peu de... Et moi, j'ai un petit peu du mal à trouver. Bon, j'en fais un petit peu de temps en temps. Bon, on va pas se plaindre. Mmh. Ouais, ça après, pourrait être mieux. Après, c'est pareil, il y a des artistes qui jouent plus dans des soirées intimistes, c'est-à-dire des bars ou des petites salles, et puis d'autres qui aiment bien les grandes salles. Donc, mais je crois que le problème, à l'heure actuelle, il y a aussi une histoire de budget. Mmh. Tout à fait. Moi, je suis quelqu'un de seul, donc si je prends des musiciens, comme Jean peut le faire aussi, ça coûte quand même... il faut payer les musiciens, bien souvent, il faut payer aussi les charges qui vont avec. Donc tout de suite on monte un petit peu sur les prix et puis voilà, moi j'ai pas la chance d'être vraiment connu, donc on me fera pas confiance pour remplir. Ou alors il faudrait que je sois un petit peu dans les festivals. Mmh. Ou alors peut-être en première partie déjà, oui, pour se faire connaître ou des choses comme ça. Mais qui, à mon âge, ouais. De Bruce Springsteen. Ah, Bruce Springsteen. Ouais. Elle dure 4 heures. Il n'y a pas de place pour la première partie. Un petit message de Bruce. Ok, d'accord, ouais, Pascal, quand bon, tu veux. Ok. On va faire aux États-Unis. Ça serait formidable quand même. Enfin bon, voilà, donc une star du rock'n'roll, Bruce Springsteen. Et c'est vrai que... Et il y a une question que je posais avant, lorsque j'avais des invités, c'est quel serait le plus grand délire artistique que vous aimeriez réaliser? Donc je vais vous le poser à tous les deux. Donc là, je pense que pour Pascal, déjà, première partie de Bruce Springsteen, par exemple. Ouais, non, parce que je sais que c'est pas possible. Ouais, mais c'est alors, un délire, hein, après. On va réviser mes rêves. Juste à la baisse. Un petit duo avec lui, alors. Non, qui me disent, tiens, j'ai une chanson que... je trouve pas terrible et que j'ai pas envie de mettre sur mon disque, mais si tu le veux, tu peux la prendre. D'accord. Avec ça, déjà, je dirais. Ok. Ok, oh, je vais faire les choses. J'écrirai moi-même les paroles, même s'il faut mettre 10 ans, j'écrirai moi-même les paroles pour qu'il y ait mon nom sous la chanson Bruce Springsteen, Pascal Mosconi. Rien que ça. Voilà. Arrangé par Pascal Webb, bien sûr. Arrangé par Pascal Webb. Donc il y a mon nom aussi. Éventuellement, voilà. Et toi, Angéline? Alors, écoute, moi, ça sera difficile parce que j'aurais adoré chanter avec Joe Cocker. Mmh. Donc, voilà. Mmh. Et sinon, eh bien, Bernard, si tu m'entends, j'aimerais aussi beaucoup chanter avec Bernard Lavillier. Bernard Lavilliers. J'adore ce qu'il fait, j'aime beaucoup sa musique. C'est un artiste un peu à part aussi, parce qu'il a, on écoute du Bernard Lavilliers, on sait que c'est lui, quoi. Il a son style, il a sa manière d'écrire les paroles. Il y a pas longtemps, je regardais, il écrit beaucoup aussi avec des paroles qui ont de l'impact. Et puis des fois, il y a des mots où il n'y a pas de verbe. C'est plein de choses comme ça, mais vraiment, il joue avec les mots, avec la sonorité des mots et tout ça, et ça donne beaucoup d'impact. Bon, Bernard Lavilliers, c'est un grand de la musique française, et qu'on voit peut-être pas assez souvent non plus dans les télévisions ou en passage radio. Oui, en fait, je vais me permettre de dire quelque chose par rapport à ce que j'ai pu faire dans la vie, parce qu'on parle des artistes connus et connus ici en France, mais j'ai beaucoup voyagé et travaillé avec des personnes qu'on ne connaît pas, des groupes genre un groupe a cappella vocal qui s'appelait MIPA, avec lequel je suis allée en Allemagne, au Canada, aux Pays-Bas, enfin, etc. C'était un groupe qui faisait de la world music, mais on n'a jamais fait aucune télévision. J'ai aussi travaillé avec des artistes comme Salif Keita, qu'on ne voit jamais à la télé, mais un monsieur qui fait le tour du monde. Tout à fait. Ouais. Donc voilà. Donc en fait, quelquefois, c'est pas la télé, c'est bien parce que c'est de la promo et c'est de la com, mais c'est pas forcément ce qui amène vers les scènes en fait. C'est ce que j'en ai retenu. Bah, on peut le voir aussi avec plein d'artistes qui tournent, des artistes français qui ont fait une carrière et en se faisant connaître juste en faisant des concerts, quoi. Ils font des concerts, on les voit jamais à la télévision. Il y en a aussi certains qui sont pas tout à fait l'image des artistes qu'on a envie de diffuser à la télévision, mais qui ont fait ils se sont fait connaître. Des fois, ils sont un petit peu contestataires aussi, mais il y a beaucoup de groupes comme ça qui sont les vrais musiciens, qui sont des, comme au Moyen-Âge, des troubadours, qui vont à droite, à gauche, qui jouent, et c'est comme ça qu'on les connaît, et puis de bouche à oreille, aujourd'hui, ils remplissent des salles, et il y en a comme ça, pas mal. Et pourtant, à la radio, on les entend jamais. C'est ça. J'ai connu un groupe de troubadours français, de françaises, d'ailleurs, c'était trois filles, et elles chantaient effectivement des chansons françaises, anciennes, qu'elles avaient reprises et arrangées pour trois voix. Je les ai rencontrées au Canada, c'est dire, nous étions à un festival à Vancouver et en fait le temps où elles sont restées là, elles ont signé pour le Japon, elles ont signé pour l'Australie, elles ont signé, et en fait je n'en ai jamais entendu parler en France. Et ce sont des filles qui font le tour du monde. Ouais, et puis il y a aussi, contrairement à ce qu'on pourrait croire, par exemple, il y a des artistes qui ont très bien marché, des artistes français qui ont très bien marché dans d'autres pays et qui ne sont pas forcément pas forcément l'artiste français qu'on a en tête quand on pense en France, quoi. C'est-à-dire, bon, je me suis mal expliqué parce que ma phrase est tout à l'envers, mais bon, par exemple, au Portugal, il y a un grand artiste qui revient souvent, c'est Gilbert Beco. Pourquoi Gilbert Beco? Parce qu'en France, quand on dit voilà un grand artiste, on va peut-être citer d'autres artistes, mais pas forcément Gilbert Beco. Et au Portugal, Gilbert Beco, c'est un des premiers qui arrive quand on parle des artistes français. C'est marrant, hein. Donc il y a aussi, par exemple, d'autres. Je pense par exemple à Mireille Mathieu, qui a très bien fonctionné au Japon et tout ça. Et c'est incroyable parce qu'on se dit tiens, comment ils ont eu autant d'impact à un endroit et peut-être pas autant à d'autres endroits. Donc voilà, il y a des artistes français qui sont connus ailleurs. Ils ont peut-être même fait une meilleure carrière ailleurs qu'en France. Oui, voilà. Ça c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Très bien. Donc moi j'ai calé encore d'autres morceaux. Je me remets en tête un petit peu tout ça parce que le temps il passe et puis donc tu as sorti un nouveau morceau. Un nouveau morceau. Changer de décor. On va en parler, donc on change de décor. Oui. Allez, on change de scène. Hop, tout change, comme au théâtre. On est à la radio, on a le droit de rêver. En gros, c'est un peu pour donner le sujet, parce qu'en fait, moi, je travaille beaucoup en métaphore. C'est un peu l'histoire d'une remise en question. On vit ce que l'on vit, et puis un beau matin, on se réveille et on se dit bon, où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime pas? Est-ce que j'ai avancé dans ce que j'avais envie de faire? Est-ce que j'ai avancé dans mes rêves? En gros, c'est l'histoire, elle est partie de ce thème-là, en fait. La remise en question. D'accord. Donc la remise en question dans la vie. Alors souvent, on parlait tout à l'heure de métro, boulot, dodo, oui. Et puis qu'on a envie de rêver et de partir à Shanghai. Et donc c'est un peu un thème qui ressemble un petit peu, qui rejoint. C'est vraiment encore autre chose. C'est le moment de dire, ok, là, il faut que je bifurque, il faut que je passe à autre chose. Ou alors... arrêter de rêver, en fait. C'est le contraire. C'est bon, là, j'arrête de rêver, ouais, je mets un pied devant l'autre. Et ça fait longtemps que j'aimerais. Là, il faut y aller. Voilà. Des fois, c'est un peu ça aussi. Bah, je propose qu'on écoute le morceau tout de suite, alors. Oui. C'est une découverte dans l'émission Mavrika. Moi, j'ai déjà eu l'occasion de l'écouter sur Internet, hein, puisque ce morceau-là, on peut le retrouver très facilement. D'ailleurs, après, on va parler un petit peu de tous les contacts, Internet, tout ça, où est-ce qu'on peut vous retrouver, parce que ça, c'est important aussi. Parce que l'émission, elle se termine à 22h, on va peut-être dépasser un petit peu. Mais après, l'aventure continue, et puis les musiciens, ils vont faire des concerts, donc il faut être au courant de tout ce qui se passe. Bon, on change de décor, alors. On change de décor. C'est parti. Comme un avion s'envole au-dessus des nuages, dévier le cours tranquille que l'habitude installe, changer le scénario d'un roman banal. D'autres îles, comme l'avion, je décolle au-dessus de la ville. Je m'embarque au hasard, je choisirai pas d'escale. J'irai au fil de l'eau vers de nouvelles étoiles. De l'escale, ville au-dessus d'avion, décolle aux migrateurs. Banal roman changé, scénario tranquille, court. Rivage oiseau dessus, fil migrateur tranquille. Là, on l'a découvert, ce nouveau morceau, Changer de décor. Donc, Angéline Anonier, qui est notre invitée ce soir dans l'émission Mavrika, avec deux autres Pascal, deux Pascal. Donc, un Pascal, Pascal Pasco. Ouais, je sais pas ce que ça se dit. et Pascal Masconi, Pascal Brett. Voilà. Oui. On a écouté ce morceau-là. Franchement, il est super entraînant. Il donne envie de danser. Il est de super. Changer. De changer. De décor. de changer de décor. Donc tous ceux qui ont écouté cette chanson ce soir ont envie de changer de décor. Donc déjà on rentre dans le week-end, ça c'est déjà important. Peut-être pas pour tout le monde, il y en a peut-être qui travaillent demain et j'en connais. Mais bon, voilà, donc dans l'émission Mavrika, on découvre ce morceau pour la première fois. Il est là dans l'ordinateur et on le diffusera dans les prochaines émissions aussi. Ça, je pense que c'est une bonne idée. Voilà. Alors cette chanson-là, tu vas nous en parler un petit peu. Elle a été enregistrée où Alors elle a été enregistrée donc dans un studio qui se trouvait à Montreuil, parce que je ne sais pas si ce studio est toujours ouvert. Avec le Covid, il y a beaucoup de choses qui ont changé, qui ont bougé. Voilà. Elle a été donc enregistrée, écrite, composée, arrangée par trois musiciens. Je ne connais que des gens talentueux. Donc qui sont Patrick Morgenthaler au clavier, David Play à la guitare et Daniel Largent à la basse et à la batterie. D'accord. Voilà, voilà, voilà. Et ben moi au chant. Et les garçons font les chœurs aussi, hein. Les voix, ce sont les garçons. C'est une chanson qui est tout à fait récente ou qui est déjà en quelques temps Ah, ça fait quand même quelques années qu'on a travaillé sur ce morceau. Et voilà. Et puis, ben, à un moment donné, il faut sortir les choses, hein. Justement, il faut changer, il ne faut pas les laisser dans les tiroirs. Donc, Des fois, il faut aussi laisser les choses mûrir. Des fois, on a un premier truc, on dit, ouais, c'est pas mal, mais on a peur de le gâcher en voulant le fermer tout de suite, donc on se dit on va le laisser un petit peu mûrir, après des idées viennent et petit à petit on fait que l'enrichir et puis trouver des bonnes idées. Il faut trouver de la bonne idée pour le faire évoluer, donc je pense que c'est ça un petit peu aussi, non? Oui, en fait non, le morceau il était bien, on n'a pas retouché à ce qui a été fait il y a quelques années, donc on l'a laissé. Et mais en fait non, c'est moi qui suis partie en indisponibilité, je veux dire ça, je suis partie en tournée justement avec Sardou, puis avec un tel, et sur le moment, comme je n'étais pas disponible à la sortie du morceau, ça a attendu. Maintenant que je suis disponible, Il ressort et puis voilà. Donc comme ça, il y a toujours de l'actualité. Voilà, c'est important. Donc superbe morceau en tout cas. On va parler aussi donc des contacts. Alors Angéline, on peut te retrouver sur internet. Alors on peut. Alors je vais laisser parler le petit garçon qui est venu avec sa maman et avec son papa. Lui qui va tout dévoiler. Qui s'occupe de tout ça. Voilà. Alors en fait, je sors de l'ombre. Effectivement, je suis la personne qui travaille dans l'ombre. Je m'occupe de la communication, des fiches de paye, des salaires des musiciens, des contrats, des factures. Ah oui, c'est le côté pas toujours très très facile pour les musiciens. Voilà. Qui doit être fait en fait. Ah oui, il doit être fait, ça c'est sûr. Voilà, donc les titres d'Angéline, vous les retrouvez sur l'intégralité des plateformes. Donc je ne vais pas citer les 40, en sachant que Spotify représente 70% du marché. D'accord. Apple Music, Cobuz, Amazon Music, et ainsi de suite. Il y en a plein. Elle est sur toutes les plateformes. Sur toutes les plateformes. Voilà, donc ce titre est sorti le 12 décembre, hein, c'est début de semaine. Et on est en train de réaliser une grosse sortie. Je pense que là, on est à 7000 streams ce soir. Ah, d'accord. Plus ceux qui ont écouté sur Radio Arc-en-Ciel, donc voilà. On frise le million. Ah oui, ça. Oui, ils vont partager avec leurs amis, avec leur famille, avec leurs voisins et qu'on partage. Voilà. Souvent c'est comme ça qu'on découvre. Il y a des chansons que je connaissais pas du tout, que j'ai écouté une première fois, deuxième fois, et puis après ça rentre dans la tête, et puis après ça y est, c'est lancé. Et c'est vrai que c'est ce qui est un petit peu difficile à faire, hein, lorsqu'on veut lancer un morceau. Et puis quand il y a un artiste, des fois il y a tellement de bonnes choses, c'est pas quel morceau prendre pour justement faire plus de promotion. Donc là, c'est un single qui est sorti, donc on le retrouve facilement. On le retrouve facilement. Mmh. Il est effectivement aussi sur les réseaux sociaux, il est sur YouTube, il est partout en fait. Donc il y a sur Facebook par exemple, il y a Angéline Anonier, le compte. Sur Facebook, vous avez Angéline Anonier. Angéline Anonier, artiste. Mmh. Donc ça concerne sa carrière. Ensuite, il y a Tina Turner Experience. Ça concerne donc le concept de reprise de Tina. Hommage à Tina. C'est pas une reprise, c'est vraiment l'hommage. L'hommage, c'est très bien. C'est pas quelque chose qui se veut un tribute, c'est pas une copie, c'est un réel hommage. D'accord, donc dans une hommage interprétation à... neutre. C'est bien de le dire comme ça, parce qu'effectivement, les gens ils vont dire ouais, reprend du Tina Turner, mais c'est pas un cover, c'est pas une photocopie, c'est pas une perruque de Tina Turner, c'est. Oui, puis à travers, si je puis me permettre, à travers cet hommage que je rends à Tina Turner, comme je l'ai déjà dit, pour laquelle j'ai vraiment une grande admiration, pour l'artiste qu'elle est, certes, mais j'aime bien aussi le préciser, c'est qu'au-delà de l'artiste, c'était également une femme, c'est une résiliente, et sa force de caractère et sa grandeur d'âme sont vraiment à souligner, parce que traverser ce qu'elle a traversé, c'est-à-dire la violence, elle a risqué sa vie, etc., s'en sortir, c'est admirable. Et ce qui me touche particulièrement, c'est que elle est sortie de ces batailles sans violence. C'est-à-dire que même après ça, elle n'a pas cherché à déchirer quoi que ce soit ou à prodiguer des menaces ou des choses comme ça peut arriver quelquefois. Il n'y avait pas d'amertume, en fait. Et je trouve que pour être capable de ça, il faut vraiment avoir une grande force d'âme et une grande force de caractère. Voilà, ça c'est une première chose que je voulais dire, parce que ça me semble vraiment important. Et l'autre chose aussi, c'est par le biais de toujours du parcours de cet artiste, c'est de souligner que beaucoup d'artistes ont commencé avec des reprises. Et Tina Turner n'a pas dévié de cela. On le sait, Johnny Hallyday a repris du Elvis Presley, et j'en cite d'autres. Tina a repris Al Green, elle a repris les Creedence, elle a repris... Bon, quand on parle de Proud Mary, on pense souvent ça, mais de base, c'est une chanson des Creedence, en fait. Hein. Donc, et justement, ce que j'aime lorsque je fais ça, donc quand je fais ces titres de Tina Turner, c'est pouvoir effectivement évoquer le fait que elle a démarré aussi avec des reprises, elle s'est inspirée d'autres artistes, et puis voilà, au fil du temps, elle a mêlé à ses chansons, des chansons aussi bien à elle. Quand elle a écrit Not Bush City, c'était une chanson dont elle est auteur et compositeur, et voilà, qui racontait sa vie, son territoire, son petit chez elle, et donc elle a intégré effectivement des chansons originales, et puis on lui en a écrit, et ainsi de suite. Très bien, mais c'est vrai que Tina Turner, au début, rien n'est destiné vraiment, quoi. Si, elle avait sa voix et tout ça, mais elle aurait très bien pu continuer à chanter toute sa vie et pas devenir la Tina qu'on a connue. Et il faut savoir que toutes les idoles comme ça, les gens qui sont devenus célèbres, au début, ils ont commencé à chanter dans leur coin. Et tout à l'heure, Pascal Mosconi, il nous disait, voilà, au début, j'ai commencé à chanter. Et c'est vrai que la plupart des artistes font ça pour leur plaisir au départ. Et après, les gens, ils écoutent un peu, ils disent, ouais, c'est bien ce que tu fais. Donc, on commence à chanter pour d'autres personnes. Et c'est comme ça que ça évolue. Et les grandes stars n'échappent pas à cette règle-là. On commence tout petit, et puis petit à petit, ça devient quelque chose de formidable qui se crée, quoi. Donc, Tina Turner, la grande personne qu'on a connue, elle a commencé par des reprises, tout simplement. Oui, elle a aussi commencé par des reprises, comme beaucoup d'artistes. Puis bon, je trouve que c'est intéressant, au contraire, d'associer aussi ses goûts, ses choix ou ses affinités aux chansons des autres, parce qu'on écoute tous des chansons et on aime ça, et on est content de les chanter dans sa salle de bain ou en se rasant le matin ou dans sa voiture. Donc, on aime bien, ça nous fait du bien. Alors, lorsqu'on est chanteur... Moi, je me souviens que Johnny, à chaque fin de concert, finissait un concert par la chanson d'un autre artiste. Il a chanté du Ferrat, il a chanté du Piaf, il a chanté du Jacques Brel. À chaque fin de concert, il y avait un hommage à un autre artiste. Donc, très bien, on reparle encore de ce grand artiste, Johnny Hallyday. Voilà, je parle de lui parce qu'on est en France, que beaucoup de gens le connaissent, donc c'est plus facile. Qui ne connaît pas Johnny Hallyday? La référence est beaucoup plus facile. Non, c'est vrai que c'est quelqu'un qui n'a laissé personne indifférent. On a tous une chanson de Johnny dans la tête, une chanson qui nous a touchés parmi toutes celles qu'il nous a fait. Même si on n'est pas fan de Johnny, il y a quand même une ou deux chansons qui nous ont marqués, quoi. Parce qu'on l'a tellement écouté. Bon, lui, à l'époque, il passait beaucoup dans les radios et tout ça, donc on l'a entendu. Il a fait partie de notre vie pendant pas mal de temps. Et comme on disait tout à l'heure, il a marqué plusieurs générations. Et j'espère que ça continuera encore très longtemps, quoi. Voilà. Très bien. Je vais juste terminer. Hein. Oui. voilà. C'est encore à dire. Voilà. Ouais, il y a encore beaucoup à dire. Donc il y a le site d'Angéline, angéline.biz, B-I-Z, Le site donc de du groupe What's Love qui s'appelle whatslove.best. D'accord. Voilà. C'est et plein de choses, hein. Puisque nous sommes dans les informations, Pascal Brett ici présent est manager d'un groupe qui rend hommage à Pink Floyd. Voilà. D'accord. Ah ouais. Avec une multitude de personnes sur scène. D'accord. Pink Floyd. Ouais. Tout à l'heure, je suis tombé. J'étais sur, pour pas citer YouTube. Donc, je regardais quelques trucs et je suis tombé sur Pink Floyd. Effectivement. Et tout de suite, deux notes et puis on reconnaît que c'est quoi. Il y a une atmosphère particulière. Voilà. Et là, on a un atome de Pink Floyd ce soir. D'accord. Ah ouais. Pink Floyd, c'est pareil. Ça, c'est un groupe moi qui m'a marqué. Je me souviens, j'avais découvert sur une cassette. Les cassettes que j'écoutais tout le temps, parce qu'à l'époque, bon, les cassettes, on les retournait. Donc il fallait retourner et puis on écoutait les morceaux et Pink Floyd, oui, ça a marqué son époque parce que c'était quelque chose qu'on connaissait pas avant, un son qu'on connaissait pas avant, c'était révolutionnaire, c'était carrément quelque chose de nouveau. Bon, je l'ai découvert un peu plus tard, mais Pink Floyd avait quand même marqué son époque et puis il y a une signature, voilà, Pink Floyd. Voilà. Ah, en tout cas, il va falloir revenir avec le groupe ici. Ah, et faire des concerts ouais. À Orléans, donc la ville d'Orléans, n'oubliez pas. Je sais qu'une fois, moi j'ai déjà assisté à un groupe qui faisait des reprises de Pink Floyd, et c'était où? C'était dans le sud de la France. Et ils étaient sur l'eau. Alors là, c'était un spectacle qui était sur l'eau, c'est-à-dire qu'il y avait des barges qui flottaient sur la mer. Ils ont fait un concert et avec les lumières et tout ça, et on fermait les yeux et on écoutait. C'était Pink Floyd, quoi. C'était vraiment. C'est les Australiens, non? Je me souviens plus, mais oui, c'est possible. Ça me dit quelque chose maintenant que tu me dis l'Australien. Mais c'était bluffant, quoi. Je fermais les yeux et c'était Pink Floyd, quoi. J'entendais le disque parce que c'est des disques qu'on a écoutés plusieurs fois. On voit bien les petites différences. Et des fois, il y a forcément des différences. Mais là, franchement, c'était bien, bien, bien imité. Et j'ai trouvé ça formidable. Ouais, ils ont terminé une tournée. En plus, là, il y a peu de temps, ils étaient en Europe. Mmh. Ils ont terminé, je crois, il y a 6 mois. Ouais, mais non pas Pascal Brett à la guitare, donc ça. Ah bah ouais, il manque un petit quelque chose. La guitare bleue. Très bien. Voilà, et donc Pascal Mosconi Musique sur les réseaux sociaux. Oui. PascalMosconi.net sur Internet. Donc. Sur YouTube, partout. Voilà. Oh, j'ai retrouvé assez rapidement, effectivement. Donc, on s'était contacté sur Facebook, sur Messenger. Donc, on avait échangé un petit peu. On se dit, voilà, l'émission, l'émission Espace, c'est vrai qu'on prépare comme ça en gros, mais finalement, ça se fait au fur et à mesure, comme ça vient. Moi, j'aime bien que ce soit construit comme ça. Hein, et puis, j'ai dit, tu amènes de la musique, ta musique, et la musique de gens qui t'ont inspiré. Donc, bon, j'avais un Bruce Springsteen. Bruce Springsteen, voilà, c'est bon. Qui était dans mon ordinateur. J'ai une petite anecdote, justement concernant Bruce Springsteen. Le film de Taxi Driver avec De Niro, quand il dit You're Talking to Me, il a pris ça à Bruce Springsteen. D'accord. Parce que le public criait Bruce, parce qu'il voulait partir, et il disait You're talking to me? Donc, c'est à moi que vous parlez. De Niro a vu ça, et s'en est servi pour le film de Taxi Driver. D'accord. Voilà, c'est une anecdote comme ça au passage. Ça fait pas de mal. Ouais, mais c'est vrai que c'est bien. Moi, je sais que quand je reçois les artistes ici, moi, j'aime bien recevoir des gens et découvrir le pourquoi. Parce que des fois, on découvre justement, on va sur Internet, on découvre de tel ou tel artiste, ils nous plaisent et tout ça. Et il y a des chansons qui nous inspirent. On aime bien écouter cette chanson-là. Et puis on fait notre propre histoire. Et un jour, moi, j'ai la chance de rencontrer beaucoup d'artistes et on discute avec eux. Et puis je leur demande qu'est-ce que vous t'as essayé de mettre là-dedans. Il me raconte l'histoire et après j'écoute le morceau d'une manière tout à fait différente parce que j'ai pensé à ce qu'il m'a raconté. Et là je dis oui, effectivement, j'avais pas vu ce truc-là comme ça, mais à chaque fois que je voulais écouter, je vais penser à ce qu'il m'a dit et j'écoute d'une manière différente. Comme quoi c'est marrant, hein, parce que on peut nous expliquer justement les paroles ou une musique et après on l'associe à une rencontre et c'est quelque chose de formidable. C'est ce que j'aime bien aussi dans l'émission Mavrika, c'est rencontrer les artistes. Puis j'ai d'excellents souvenirs avec de bonnes émissions. Et puis, il y a quelque chose aussi qui peut en témoigner. Si vous allez sur le Facebook de l'émission Mavrika, vous allez sur photo, vous avez album, et dans tous les albums, il y a les 500 et quelques albums, bon, de photos, des milliers de photos. Et des fois, je regarde, des fois, je retombe aussi sur des photos et je me dis, tiens, ah ouais, bah, il était là aussi, lui, et lui aussi, ah ouais, ah, on était tous ensemble, ah ouais, et je me dis, ouais, vraiment, on avait vécu un moment fabuleux, et les moments qu'on a vécu comme ça, qu'on a immortalisé, bah, ces moments-là, on pourra plus jamais nous les enlever parce que on les a vécus, c'est quelque chose de concret, et après, on peut être un peu nostalgique, hein, mais il y a encore d'autres émissions qui vont se faire, d'autres bons moments qui vont être partagés. Donc l'avenir continue et voilà, c'est important. Mais bon, c'est vrai que à la limite, depuis que je fais cette émission, j'ai rencontré plein de gens formidables et ça se serait jamais fait s'il n'y avait pas cette émission Mavrika, quoi. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on continue à promouvoir les artistes, parce que les artistes qu'on écoute à la radio, c'est pas forcément ceux qui ont le plus de talent. Hein. Moi, j'ai pu le comparer et je me suis rendu compte aussi que certains sont très prétentieux au niveau de dire voilà, moi je suis musicien et tout ça, et puis c'est pas forcément les meilleurs, hein. Et puis il y en a d'autres qui disent oh, moi je gratouille, je fais mon petit truc dans mon coin, et puis quand je les écoute, je dis waouh, c'est formidable. Donc il faut pas se fier, c'est pas forcément ceux qu'on écoute le plus à la radio qui sont les meilleurs. Sortez, allez voir les artistes, prenez la peine de les découvrir par vous-même, ça c'est le plus important. Donc ça c'est, et puis ce soir en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette émission avec vous, parce que franchement, on a écouté plein de bons morceaux. On n'aura pas le temps d'écouter les écouter tous, mais bon, ça sera l'occasion de revenir pour une prochaine émission. Voilà, juste demander à Pascal de préciser ses réseaux sociaux, parce que tous les programmateurs de la région écoutent. Oui, bah le groupe, ça c'est pas facile. Essaye de t'approcher un petit peu du micro, parce que vraiment... Le groupe s'appelle Pictures of Floyd. Pictures of Floyd. Pictures of Floyd. Mmh. Et le site, c'est simple, c'est picturesoffloyd.com. D'accord. Donc là, il y a toutes les infos. Donc on ira fouiller là-dedans. Mmh. Et puis, donc. Je te laisse un petit flyer. Ok. De jolis lives sur le YouTube, sur le site. Ah ben, moi, en plus, je suis fan de Pink Floyd, donc ça va me plaire. Très, très, très, très joli. Très bien, donc voilà pour là où on peut vous contacter, là où on peut vous retrouver. On n'a rien oublié, je pense. Hein. Non, on est bien là. Pascal Mosconi Musique, pascalmosconi.net, Pascal Mosconi tout court, Angéline Alonier, Tina Turner Experience. Et on trouve même sur internet un duo. Pascal Mosconi, en live. Ah, mes morceaux préférés sont mon morceau préféré. Avec qui à la guitare? D'accord. Je vous donne envie. Avec à la guitare Pascal Brett. Et sur les arrangements de Pascal Brett. D'accord. À la direction musicale, Pascal Brett. Très bien, bah super. Donc il y a plein de choses à découvrir sur internet, mais nous on n'a pas encore fini l'émission, il y a encore un peu de temps, on va encore écouter des morceaux. D'ailleurs, on n'était pas passé à Angéline parce qu'on voulait découvrir le nouveau morceau. On va revenir à Pascal Mosconi avec un morceau que tu as choisi aussi, hein. C'est pas le dernier album, on n'a pas encore passé le dernier album, on en choisira un tout à l'heure. Là c'est Les ailes d'un ange. Ouais. Alors ça c'est l'album précédent. D'accord. Voilà. Tu veux nous parler un petit peu de ce morceau-là? Non. Arrangement Pascal Brett. Moi, c'était le premier album qu'on faisait ensemble. D'accord. C'était le premier album qu'on faisait ensemble et c'est le premier morceau de l'album qui, paradoxalement, a été composé en dernier. Voilà. Mmh. Bon. Moi, je conseille aux gens de rechercher le clip. Ah oui, oui. Cette chanson, si on va sur YouTube, j'ai fait un clip avec Pascal Brett. Il y a un petit clip qui existe. Et cette chanson, je l'ai faite, alors du coup, en français, forcément. Mm-hmm. Je l'ai fait en italien pour une émission de télé en Italie. Vous avez la chance d'y aller. Mm-hmm. Je l'ai fait en japonais. Oui, j'ai tourné le clip là-bas. À un moment, j'ai vu c'était écrit en japonais. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Et puis, effectivement, en japonais. Et donc, j'ai même fait le clip là-bas au Japon. Mais tu parles le japonais ou... Non. Non, c'est phonétiquement que tu as appris. Ouais, ouais, bah, on a bossé avec Pascal Brett. Mais c'est difficile et pas très difficile en même temps parce qu'on connaît tous des mots japonais, karaté, karaoké. Oui. Bon, voilà, c'est pas. Bon, il y en a quelques mots qui sont très difficiles, mais il y a des mots qui sont très longs. Alors, pour les lire et les chanter en même temps, c'est très dur. Et je l'ai aussi adapté en anglais, où j'ai eu la chance de l'enregistrer aux États-Unis. Ah, bah dis donc. Voilà, dans un studio à Greenville, pas très loin de Nashville. Ça le fait un peu, mais bon, c'était mon rêve d'enregistrer là-bas. D'accord. Ah bah, c'est vrai que les États-Unis, les studios mythiques, ouais. Il y a Sun Records. Ouais, j'ai pas enregistré là. Hein. Ouais, mais c'est vrai que c'est aujourd'hui, forcément, on trouve des studios qui sont peut-être plus performants et tout ça, mais là, c'est le mythe, c'est l'histoire de la musique. J'en ai fait un petit clip aussi, du coup. Ouais, j'ai eu la chance de faire un petit peu aussi la route du blues, donc je me suis un peu baladé à Memphis, jusqu'à je sais plus où d'ailleurs. Pas la Nouvelle-Orléans, s'est arrêté avant, mais. C'est l'origine de toutes les musiques qu'on aime, ça. Oui, ça a été fait aussi, ça. Voilà. Ah oui, moi je pensais que c'était une bonne idée pour une chanson, mais je crois que ça a déjà été fait. Toutes les musiques qu'on aime. Voilà, bah, on va écouter donc Les ailes d'un ange. C'est parti. Ça arrive, hein, rien. Voilà. J'ai brûlé les ailes d'un ange qui m'a tout donné en échange. Hell Angel, mes yeux d'opale, pour planter les fleurs du mal. J'ai brûlé les ailes d'un ange. Dans ma tête, tout se mélange. Hell for Angel, j'ai pas le moral. Ma solitude est trop brutale. Mais l'ange n'a plus d'aile. L'un des vous veut par les chemins. Mon ange n'a plus d'aile. Avec des cendres dans les mains. Voilà, on revient dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. On est en train de faire l'émission numéro 574 et nous avons plusieurs invités ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Au début, c'est celle qui m'a contacté, c'est Angéline Anonier. Elle est ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. On a écouté le dernier morceau tout à l'heure de qui est sorti, hein, le nouveau single qui est sorti le 12 décembre. Voilà, qui s'appelle Changer de décor. Et on a aussi ici dans les studio de Pascal, Pascal Mosconi et Pascal Brett. Voilà. Donc et puis on a aussi notre ami qui s'occupe, il est venu avec sa maman et son papa, et qui s'occupe de la promotion d'Angélina. Voilà. Angélina, on peut dire aussi, non? Ouais, ça arrive. Hein. Ouais, ça arrive. J'ai eu droit à tout. Angéline. Je m'occupe aussi d'une artiste qui rend hommage à Dalida. D'accord. Et son show s'appelle La Sérénade d'Angélina. D'accord. Donc, vois, d'Angélina. Les deux fonctionnent. C'est vrai que bon, après je sais que moi je connais des Christina qui aiment pas qu'on les appelle Christine et des Christine qui aiment pas qu'on les appelle Christina. Mais bon, donc là c'est Angéline ce soir qui est là, voilà, dans les studios Radio Arc-en-Ciel. Avec un E, voilà. Très bien. Donc l'émission avance très vite et on arrive bientôt à la fin de cette émission. Est-ce qu'il y aurait un sujet qu'on n'a pas abordé que vous voudriez aborder justement? Parce que moi j'essaie de penser à des questions, mais après il y a peut-être des choses que vous vouliez dire et que finalement on n'a pas du tout. Qu'on n'a pas évoqué. Je sais pas, on a quand même fait le tour de pas mal de choses. Je pense qu'on a quand même bien travaillé, hein. Ouais. On a quand même fait quelque chose de bien. On a parlé du passé, d'où vous venez, ce qui s'est passé, le présent, l'avenir. Oui. Ah, contacter. Si j'ai une question, moi, qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on fait, mais si on est à 574 émissions, c'est ça? 574, oui, tout à fait. Calmez-moi. et en fait, mon interrogation est la suivante. Donc, cette émission, tu l'as fait en live, et donc les gens l'écoutent, ou en podcast ou autre. Et comment ça se passe quand tu as des retours? Est-ce que là, il arrive que les gens t'appellent en direct, ou est-ce que parfois les gens écrivent pour faire des commentaires? Moi je me sers souvent aussi de Facebook, hein, puisque là par exemple, je sais pas si vous avez remarqué en début d'émission, on a passé un petit peu de musique, donc on a passé la Jarry, la Mécanique des Sourds, la Stavenio, et après si vous regardez bien, on a des petits commentaires justement, et qui sait, ce sont les gens qui ont concerné qui me remercient d'avoir diffusé leurs morceaux, parce que c'est des gens que je connais qui sont déjà venus dans l'émission Marika, donc ils continuent à nous suivre, et ça c'est important. Voilà, par exemple, bah, on a notre ami David McLean, on a Paul Sigaud du groupe des Rapades, Julien Dej du groupe Last Avenue, Rino du groupe Turn Off, Pierre Doreno, donc tous les artistes pratiquement de la région. Ben moi j'ai la chance d'avoir parmi les auditeurs les plus grands artistes de la région, et d'ailleurs, hein, Pierre Dorenlo, qui est de la région de Bordeaux, Jacques Février, qui est un artiste qui est aussi de Paris, de la région parisienne, Thomas Guillot, qui fait partie du groupe qu'on a diffusé au début, c'était le groupe, voilà, j'essaie de me souvenir, voilà, forcément ça me revient pas sur le coup, et en plus j'ai oublié de le marquer. Ah, les enfants de Panurge, voilà. C'est un groupe qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui, mais que voilà, les gens continuent à nous écouter. Et il y en a encore d'autres, hein. J'ai pas eu le temps de tout voir, mais donc j'essaie de faire tout ça en direct. Donc voilà, il y a un petit peu de retour à ce niveau-là. Et puis après, il y a aussi certains habitués qui ont l'habitude de m'appeler. Alors quand il y a des invités, ils évitent de le faire parce que ça perturbe un petit peu. Parce qu'il faut savoir que sur Radio Arc-en-Ciel, on est animateur, on prépare l'émission aussi en aval, donc on s'occupe de tout ce qui est enregistrement et tout ça. On contacte aussi les gens, on fait la technique, on fait tout en même temps. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est assez rare, hein, dans les radios. Il y a un technicien, il y a une personne qui s'occupe de préparer l'émission, il y a l'animateur lui-même, etc. Et nous, on fait un petit peu tout. Donc c'est vrai que c'est quand même un petit peu compliqué, mais on y arrive, hein, et on le fait très bien. Donc et on est suivi par beaucoup de gens. Et puis il faut savoir aussi que Radio Arc-en-Ciel, c'est une radio qui émet sur Orléans et qui représente aussi beaucoup de musique portugaise. Donc il y a tous les Portugais de la région orléanaise qui vous écoutent ce soir. Voilà. Donc, voilà. J'ai une question. Georges Ferreira, c'est un artiste du Portugal ou c'est un artiste de la région? Ni l'un ni l'autre, c'est un artiste canadien. Canadien, c'est d'accord. Un Portugais de la communauté portugaise au Canada. C'est un artiste international, il faut le savoir. Bon, il est connu pour, chez les lusophones. Hein. Les autres pays le connaissent pas forcément, mais tous les Portugais de tous les pays du monde, hein, parce qu'il y en a, dans tous les pays, le connaissent. C'est vraiment un artiste international. Et sera très bientôt en concert avec Radio Arc-en-Ciel, voilà. Ouais, je pose la question parce que le batteur d'Angéline a fait une tournée avec un chanteur, Ferreira, et je ne sais pas si c'est celui-ci, en fait. Ah, c'est possible, parce que c'est un artiste vraiment connu. Hein. Et puis, Radio Arc-en-Ciel va aussi organiser un autre concert avec Zé Amaro. Ça sera le 3 février, ouais. Et c'est pareil, c'est un artiste portugais qui marche très bien au Portugal. Alors il faut savoir qu'on est premier, on est quand même, je crois, la troisième radio portugaise à l'extérieur du Portugal, quoi. D'accord. Donc parmi les artistes portugais, effectivement, il y a de très bons... Comment ? Je parlais de Pascal Brett. Pascal Brett, qui est ici dans le studio Radio Arc-en-Ciel. Pascal Brett, c'est l'homme à tout faire. Voilà. Voilà. Si vous avez besoin de planter un clou, vous appelez Pascal Brett. Bon. Voilà. Très bien. D'autres choses à aborder ? D'autres sujets ? Non, bon. Bah non, voilà. Bah on va écouter de la musique parce qu'on a plein de musique encore à écouter. Hein. C'est quand même voilà. À la radio. Ah bah oui. Oui, on pourrait écouter un titre du dernier album de Pascal Mosconi, par exemple. Par exemple, mais c'est pas celui que j'avais programmé. Parce que j'essaie de varier un petit peu, donc oui. On vient d'écouter un morceau de Pascal, donc je proposais qu'on écoute un morceau de ton album à toi. D'accord, mais ce qui aurait pu être intéressant aussi, c'est qu'il me semble que Pascal Brett fait des chansons. Oui, un morceau de guitare de Pascal Brett. Oui. On va essayer de trouver. Sur ma chaîne YouTube, un c'est Mouvoir, voilà. Tu dois pouvoir le trouver, ou sur la chaîne Pascal Brett, tu vas le trouver. On va essayer. On va essayer. Instrumental. On va essayer un instrumental de Pascal Brett, absolument. D'accord. Song for Dad. D'accord, on va chercher ça. Donc là, pour l'instant, on va écouter justement, on a parlé tout à l'heure de l'album en hommage à Tina Turner. Oui. Et moi, j'avais calé un morceau et je suis passé aussi dans le studio. D'ailleurs. Oui. D'ailleurs, sur l'album Cordulia. Pheromone Dance, c'est Pascal Brett à la guitare. Effectivement, ça me revient. Pheromone Dance. Très bien. Et on l'avait diffusé. Et c'était le morceau qui est un petit peu espagnol, non? Oui, c'est ça. Tout à fait. Et ce que vous savez pas, c'est qu'on l'a diffusé aussi dans une autre émission. D'accord. Parce que le petit côté espagnol, ça m'a bien plu. Et comme je fais aussi la technique dans l'émission A Flor de Piel, le mercredi, une émission sur la musique espagnole, bah, j'ai diffusé ce morceau-là. Voilà. Ah, cool. Bravo, Pascal Brett. Comme quoi. C'est pour ça que ce morceau-là m'était resté un petit peu dans la tête. Et donc, ce petit côté un petit peu espagnol, je me suis dit, tiens, on va le passer aussi dans l'émission A Flor de Piel, le mercredi soir de 19h30 à 21h. Voilà. Donc, on va retrouver notre amie Tina Turner. Pas exactement, c'est un hommage. C'est Angéline Annonier qui nous interprète ce morceau. Ça s'appelle Addicted to Love. Eh bien, Addicted to Love est une reprise. Est une reprise qu'a faite Tina. Et c'est. Comment il s'appelait ? On the News. Non, attends, c'est un titre de. Attends, oulala. On va le retrouver. On va le retrouver, oui. On l'écoute et puis on le dit après. Oui, Robert Palmer. Robert Palmer. Ah oui, Robert Palmer. Très bien. Qui avait fait une super vidéo, il était accompagné qu'avec des filles super sexy. D'accord. Voilà. Et là. Donc effectivement, nous on connaît cette chanson-là, on dit c'est Tina Turner, mais on ne pensait pas du tout que c'était Robert Palmer qui était derrière. Un grand succès de Robert Palmer. Très bien, donc on écoute tout de suite ce morceau, puis après on discute encore, on est encore ensemble jusqu'à pendant quelques minutes, jusqu'à 22h. say you can't get enough. You know you're gonna have to face it. You're addicted to love. It's never fine, but you can read. You're running at different speed. Your heart a beast in a double time. Another geese, and you'll be. Voilà donc Angeline Anonier avec un hommage à Tina Turner, Addicted to Love. Voilà, avec mon accent anglais un petit peu du sud de Dominique. Du sud d'Orléans. du sud d'Orléans. voilà. Donc, on vient d'écouter ce morceau-là qui est formidable. On rappelle, il vient d'un album hommage à Tina Turner. Tina Turner, qui a été produit par le Marianne Melody. D'accord, Marianne voilà. Melody. Donc si les gens sont en recherche d'album, ils peuvent l'acheter sur Marianne Melody. Très bien, donc c'est bien de le dire. Donc c'est un album qui est super, hein, qui est super bien enregistré, et tous les morceaux sont des morceaux de Tina Turner, sauf un. sauf un. Qu'on a écouté tout à l'heure, qui s'appelle Shanghai. Voilà. Voilà. Ça, c'est pour la petite histoire. Alors, tout à l'heure, c'est pareil, sur le Facebook de l'émission Mavrika, on met aussi tous les titres qu'on diffuse dans l'émission. J'espère que je n'en ai pas oublié, parce que ce soir, il y en avait pas mal. Et puis, là, on vient d'écouter Angéline Annonier. Et juste avant, c'était Pascal Mosconi avec Les ailes d'un ange. Et tu sais, quand on met, par exemple, le nom Angéline Annonier, hop, il y a une petite référence qui se fait sur Facebook pour aller, justement, sur ton site. Oui. Et là, en écrivant Les ailes d'un ange, je me suis retrouvé à nouveau avec Angéline Annonier. J'ai dit, tiens, un petit clin d'œil qui se fait. Voilà, on aurait voulu le faire, on n'aurait pas réussi. Et là, ça a bien fonctionné. Très bien. L'émission arrive bientôt à sa fin, mais on a encore des morceaux à découvrir. Donc, on va essayer de ne pas perdre trop de temps à papoter. On a un morceau, voilà, on a recherché tout à l'heure un morceau de Pascal Brett, donc qui s'appelle Song for Dad. Voilà, c'est un instrumental, donc. C'est un instrumental ouais. Que j'ai écrit l'année dernière pour l'anniversaire de mon père. D'accord. C'est son cadeau. D'accord. Bon, on va le diffuser pour tous les papas alors. Ça c'est important, ça. Très bien, donc on va écouter. Papa Noël. Ouais, en plus Papa Noël. Ouais. Bah souvent, on devrait peut-être pas le dire, mais souvent c'est un peu le même, non? Oui. Non, les enfants sont pas couchés, non. Ah, c'est le Père Noël qui voilà. Très bien, donc on écoute ce morceau tout de suite. Donc moi j'ai fait une pré-écoute tout à l'heure, j'ai découvert un petit peu. Super bon son, en tout cas ça passe super bien. On écoute tout de suite Pascal Brett avec Song for Dad. Thank you. Voilà, donc c'était le morceau Song for Dad de Pascal Brett, présent ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel ce soir. On arrive à la fin de cette émission et puis je suis en train de penser à plein de choses. Donc juste après, on va écouter aussi un morceau à nouveau de Pascal Mosconi, un morceau qui s'appelle Boom Boom. Et puis on a gardé le meilleur pour la fin. Il y aura un petit live en direct. Hein, on va faire ça comme ça. Donc je vais donner la parole tout à l'heure aux artistes qui vont interpréter un morceau, donc Angéline Anonier et Pascal Brett. Voilà, vous allez réinterpréter le morceau qu'on a écouté en début d'émission, donc un morceau en acoustique, en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, et le morceau s'appelle Simply the Best. Oui. Voilà, oui. Vous êtes prêts? Donc là, ce que je propose, on arrive à la fin de l'émission, donc à la fin de chaque émission, ben on dit des paroles magiques, hein, on va dire ça comme ça, c'est que le rock'n'roll saute avec vous, une vie sans musique serait une erreur, everything is gonna be alright. Voilà les mots magiques qu'on dit à la fin de chaque émission. Et puis on va aussi dire aux gens, ben voilà, il faut aller au concert, il faut vraiment aller voir les artistes sur scène, c'est là qu'on les voit vraiment... Live, ça veut dire vivant. Donc, il faut aller les voir vivants, en train de bouger, etc. Donc, ça, c'est quelque chose de très important. Un message qu'on dit à la fin de chaque émission. Et puis, on va dire aussi la semaine prochaine. Donc, nous recevons ici le groupe Oniris. Ça sera la première fois qu'ils viendront ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Par contre, il y a une artiste parmi le nouveau projet qui est déjà venue avec un autre groupe. Elle s'appelle Aude. Elle était venue avec le groupe Celtic Reich. Voilà. Donc voilà, comme quoi les musiciens, des fois on peut les retrouver sur un projet ou sur un autre, et ça fait partie de la vie des musiciens. Voilà, très bien. On arrive à la fin de cette émission, et puis donc on va écouter le morceau de Pascal Mosconi qui s'appelle Boom Boom, et puis après on se retrouve pour un live en direct dans les studios Radio Arc-en-Ciel. Tu veux rajouter quelque chose? Oui, nous avons Virginie Fildier qui a écrit pour Pascal, qui écoute l'émission actuellement. Bah, très bien, on lui fait un petit coucou. Trois, quatre chansons pour moi, j'irai même quatre. Et qui va en écrire d'autres, j'espère. Hein, tu nous écoutes. Prends ton stylo, ton papier et. Au charbon. C'est ce qui me fait plaisir aussi. C'est la commande vient d'être passée en direct. Le prochain morceau, donc. Très bien. Et puis, ce que j'aime aussi dans l'émission Mavrika, c'est que chaque artiste qui vient ici dans cette émission nous amène aussi leur univers avec les gens qui ont l'habitude de les suivre et tout ça. Et donc, après, ils vont peut-être s'intéresser et puis écouter aussi d'autres artistes. Et ce qui est important, justement, c'est ce permettre des rencontres et permettre aussi aux gens de découvrir des artistes qu'on connaît pas forcément. Et sur toutes les radios, c'est vrai qu'on a tendance à passer toujours la même chose. Et nous, sur Radio Arc-en-Ciel, on passe les artistes qu'on aime et on prend les meilleurs. Il n'y a pas de petits chanteurs dans l'émission Mavrika. C'est toujours les meilleurs artistes qui passent dans l'émission Mavrika. Voilà. En tout cas, ce soir, ça échappe pas à la règle. Voilà. On va écouter donc le morceau de Pascal Mosconi qui s'appelle Boom Boom. C'est parti. shoot you right down. Take you in my